Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 49. Alors, je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Cette adresse est disponible pour vous, auditeurs, lecteurs, si vous désirez nous poser des questions, nous soumettre une information, quelle qu'elle soit, quelque nature qu'elle soit, ou pour toute autre raison. Voilà, entrez en contact avec nous à cette adresse. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, nous soutenir, soutenir ce que nous faisons, grâce à des dons en crypto-monnaie exclusivement, Bitcoin, Ethereum, Monero, Monero étant la monnaie que nous recommandons prioritairement. Les deux autres monnaies sont quand même bien évidemment de bonnes monnaies aussi pour faire pour nous soutenir financièrement. Donc si vous pensez que c'est utile, c'est bien sûr sur la base du volontariat. Je vais présenter maintenant nos participants de cette semaine. On a une belle équipe. Une belle équipe assemblée cette semaine. Je vais commencer par Alex. Alexis, comment vas-tu? Très bien. Salut Gandalf et salut à tout le monde. Popopoporovitch est avec nous aussi cette semaine. Salut. Shalom alaikum. Hopman est avec nous aussi cette semaine. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut tout le monde. En avant les nègres, tout ça, tout ça. En avant les nègres, effectivement. Et Fulbert aussi est avec nous. Bonsoir Gandalf, bonsoir tout le monde. Et enfin Derek, qui est avec nous aussi cette semaine, comme d'habitude. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. Alors, mes petits amis, je vous propose de commencer par notre rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Nous avons un courrier cette semaine, intéressant. Ça nous vient de la ville de Nantes. Je vous le livre tel quel d'ailleurs. Chers démocrates participatifs, je vous écris pour refaire part de mon témoignage. Voici ce qu'il se passe à la faculté de, je cite pas la qualité, de Nantes. Nous étions en plein cours de, je ne cite pas encore, quand tout un coup, une troupe d'une trentaine de nègres venus tout droit de ce continent maudit a débarqué dans notre amphithéâtre. Sans prévenir, ils se sont infiltrés derrière la chaire de l'enseignant et se sont saisis du micro. En pleine tempête nationale et sociale, en pleine révolte fiscale, ces derniers ont osé. Ils ont osé se plaindre car les frais de scolarité pour les étudiants étrangers vont augmenter à la rentrée prochaine. Peut-être la meilleure mesure prise par Macron, je l'avoue. Malgré un accent à coucher dehors, j'ai pu distinguer des, je cite, « gouvernements racistes »,« mesures anti-francophonie »,« injustice sociale » et « nous aussi, on consomme, on paye des taxes ». Donc les nègres payent des taxes, en fait. Traduction. Toi, le sale blanc qui te plaint des impôts, tu dois en payer encore plus pour que moi, le gentil nègre, vienne envahir ta fac. Ces sales nègres auront occupé les lieux durant plus d'une demi-heure. Pour conclure, ils nous ont avertis qu'ils allaient procéder à un blocus le lendemain afin de nous pourrir la vie, comme s'ils avaient besoin d'un blocus pour cela. Pas un mot du professeur, pas une réaction face à ce sketch dont ils connaissent tous les secrets. Aberrant. Résultat, la faculté, bien que parfaitement au courant de leurs futurs méfaits, a laissé faire. La faculté restera bloquée jusqu'à lundi. Ils ne nous font pas assez vivre l'enfer par leur présence, il faut en plus qu'ils nous empêchent de vivre et d'étudier paisiblement. Je n'en peux plus, c'est un véritable enfer, personne ne se doute de ce qu'il se passe derrière les murs de nos facultés, mais je tenais à vous faire part face à l'inertie totale, en souhaitant que DP survive à toutes les attaques et que cette révolte nous libère du joug judéo-nègre. Voilà un courrier qui nous vient donc directement d'une faculté sous occupation, pour le coup au sens le plus strict, hein, nègre. On a souvent eu l'occasion de parler, en fait, au gré des occupations de fac, comme ça, Tolbiac un jour, bon, peu importe, ou des trucs pro-migrants. Là, on a encore un exemple, et c'est bien, comme c'est bien écrit, hein, parce que ça touche à l'argent, donc ça intéresse les contribuables au sens large. Je vais peut-être prendre la réaction de Derrick en premier, puisque, vous le savez, c'est notre négrologue officiel. Nous avons un négrologue. Cher Derrick, ouais. Docteur en négrologie, 10 ans d'études, hein, précisons-le quand même. Hein. Et une thèse brillante d'ailleurs que j'ai lue. Hein, négrologie, cannibalisme et sacrifice d'enfants, je crois, dans la région du Nord-Congo, me semble-t-il, un truc comme ça. Tu oublies le lien que j'ai établi entre ça et les valeurs de la République. Hein, c'est... Ah, d'accord, oui, très bien. Ah, oui, c'est l'objet de ma thèse, les valeurs de la République, oui, et cannibalisme dans le bassin du Congo. Voilà, d'accord, voilà, très bien. Oui, dernière partie donc, de la thèse, intéressant. Oui. Ouais, ça fait. Donc tu parles des blocages qui ont déjà eu lieu un petit peu partout. Ouais, c'était quoi? C'était Tolbiac là l'année dernière, ou même en début d'année, je sais plus, ça va assez vite. Hein. Je crois que c'est en début d'année d'ailleurs. Là, c'est pas la même chose, si tu veux. Habituellement, c'est l'extrême gauche qui arrive. Ils ont tous leurs trucs, leurs drapeaux, leurs conneries. Ils font des conférences de marxologie, tout le verbiage des intellectuels juifs, hein, qui sont dans leurs bouquins. Là non, là, c'est le nègre arrive. I want free money. Je veux de l'argent gratuit. c'est beaucoup plus grégaire. Mais en fait, au final, c'est la même chose. Mais le nègre a quand même la politesse. De faire la demande de manière plus directe et plus franche. J'apprécie ce témoignage d'un auditeur qui a fait un lien à la fois étrange entre l'entité juive et les nègres, hein, le démon judéo-nègre, c'est ça L'occupation judéo-nègre. L'occupation judéo-nègre, oui. Donc occupation judéo par le haut et nègre par le bas, je présume, quoi. Oui, ouais. C'est vrai qu'on n'avait peut-être pas encore pensé à ça, mais... Il faut se mettre dans le contexte, quoi. Vous imaginez, vous êtes un étudiant... Je rigole, hein. Tu te vois... Alors, je sais pas comment ils étaient, là. Une poignée de nègres, quoi. Trentaine, je crois. Ah, quand même, ah oui, ok. Bon, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là, pour le moment, il c'est vrai que c'est une mesure. En fait, non, parce que oui, je sais pas si on en a parlé, mais ils veulent, contrairement à ce que pourrait laisser supposer ce qui est expliqué dans la mesure en question, c'est-à-dire d'augmenter le coût de la scolarité des étudiants étrangers, le but n'est pas de dissuader les étrangers de venir en France. Hein. C'est toute une série de mesures qui sont prises, et en fait, l'idée est d'atteindre, d'ici quelques années, un demi-million de faux étudiants étrangers nègres et arabes qui vont transformer en fait les facultés françaises, les universités françaises, en espèce de sas aspirant toutes ces faunes-là venues d'Afrique. Ouais, ça marche pas, parce que... ça marche. Parce qu'en fait, oui, le truc, c'est que... Oui. C'est pour l'instant, c'est à petite échelle, mais c'est déjà le cas. Je vous ai déjà dit que moi, dans ma classe, j'en ai qui sont soit de l'Afrique, soit de pays nègres en dehors de l'Afrique, et que les mecs, ils sont gratinés. Oui, non, mais la mesure de l'État qu'a passé le gouvernement, c'est ça consiste à augmenter les frais de scolarité de 300 euros par an à 3500, je crois. Donc ça va faire quand même du tri chez les nègres, hein, je pense. Hein. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'ils gueulent. Hein. Ce sont les facultés aussi, les facultés locales qui peuvent payer le cachet. Moi j'ai vu un papier comme quoi le gouvernement français voulait qu'il y ait des étudiants un petit peu de partout, que ce soit des Indiens, des Russes ou je sais pas quoi, pour, essayer des Russes, de diversifier. Alors peut-être que, les 30 négros qui ont débarqué, peut-être qu'ils ont, ils sont tombés sur cet article du Point, je sais pas, ou du Nouvel Observateur, je sais plus. Non, mais non, l'idée déjà de départ, hein, je l'ai bien souligné, c'est vraiment d'accroître le nombre d'étudiants étrangers. Mais c'est spécifié aussi qu'ils auront des facilités pour les visas. Donc clairement, si vous voulez, on est dans une logique d'immigration. En fait, donc, ils parlent d'études, ils parlent d'étudiants étrangers, mais quand vous analysez la réforme qui est prévue, c'est en fait une mesure immigrationniste. Car beaucoup d'étudiants ne repartent pas, on le sait. Voilà, c'est ça. Mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que là, c'est prévu. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui sont prévues, qui vont faciliter la fixation sur le territoire français de ces étudiants. Alors, on me dirait, mais ce serait bien si on avait des génies qui venaient, je ne sais pas, de Russie. Non, non, je vous rassure, c'est pas la Russie qui est visée. Oui. Vas-y. Non, la moitié des étudiants, je crois, viennent d'Afrique. Donc, Au moins. Et alors, donc il y a ça. Et ensuite, parmi toutes les mesures, on dit oui, on va augmenter les frais de scolarité. Mais n'oubliez pas, parce que c'est spécifié aussi, qu'il y aura un assouplissement considérable des bourses. De toute façon, la fac française, quelle que soit son origine, quand la famille n'a pas les moyens de payer, elle ne paye rien et on est quand même inscrit à la fac. C'est assez clair. Hein. Même si on n'a pas les étudiants qui n'ont pas de bourse, avec quand même les frais d'inscription remboursés. Donc. Alors donc voilà, donc enfin, je vais pas rentrer dans les détails de la mesure parce que c'est pas trop l'objet, c'est indirect, mais comment dirais-je, il y a déjà beaucoup, des centaines de milliers de faux étudiants avec des niveaux Afrique, on en a parlé dans l'émission précédente, Hoffman avait bien détaillé ça aussi, quoi, avec des niveaux qui sont complètement différents, je veux dire une licence, si par hasard quelqu'un a eu un bac en Haïti ou bien en Afrique, bon, ça n'a rien à voir avec le niveau en France. Bon, ils sont validés au même niveau, ils arrivent. Bon, voilà, mais l'idée, c'est vraiment d'accroître le nombre et de leur permettre de rester. Et je crois même qu'ils auront des facilités pour créer, entre guillemets, des entreprises. Vous voyez, il y a cette logique-là. Les types croyant avoir affaire, si vous voulez, à des espèces de génies qui viendraient de Corée du Sud ou de Chine, je ne sais où. Non, c'est vrai, ça va. Les seules entreprises qui vont être créées avec ça, c'est des magasins de coiffure à tresse. Hein. C'est le seul truc qui va sortir de ce machin. Hein. Ou de drogue. Voilà. Qui veut parler de. Enfin, c'est bien d'en parler parce que finalement, comme c'est une mesure qui va coûter, ça va coûter un bras. Hein. Peut-être que quelqu'un peut trouver ça, mais je me rappelle plus ce que ça va coûter, mais ça va coûter une fortune. Hein. J'aimerais bien illustrer l'apport des étudiants venus de loin. Par exemple, l'étudiant pakistanais de 37 ans, dont l'année scolaire universitaire dernière n'avait pas été validée, qui a donc égorgé son professeur d'anglais lui-même, je crois d'ailleurs, à Courbevoie dans le 92 cette semaine. Donc. Création d'emploi. Oui, effectivement. Oui. Dans la coutellerie, je pense que dans la coutellerie, il y a un domaine à développer. Hein. Alors attendez, donnez-moi un instant, je fais une petite pause là, je vais essayer d'en savoir plus sur les mesures, parce que j'ai fait un papier là-dessus, mais... Voilà, je vous lis... je reprends. Voilà, je vous livre un article du Monde qui va détailler un petit peu les choses. C'est Focus Campus, blog Le Monde. Donc c'est le blog un peu universitaire du journal Le Monde. Commençons par l'aspect purement comptable de la décision des pouvoirs publics, même si l'on peut juger cette approche bien étriquée. La mesure annoncée pourrait concerner environ 280 000 étudiants extra-européens présents dans l'Hexagone sur un total de 343 000 étudiants étrangers. Ceux des pays de l'Union, en échange Erasmus notamment, n'étant pas concernés. Passer de 170 euros à 2770 euros en licence et de 243 à 380 euros en master ou en doctorat à 3770 euros, comme cela est prévu, représente, avant toute bourse ou exemption de droit, une manne que l'on peut évaluer autour de 800 à 900 millions d'euros par an pour les universités françaises. Donc le point de départ, c'est ça, c'est qu'eux pensent faire de l'argent avec. C'est loin d'être négligeable, même si cela ne va pas changer radicalement la situation. Rappelons aussi que même avec ces hausses, on est encore très loin de la vérité des coûts. En moyenne, on estime qu'une année d'études coûte un peu moins de 10 000 euros par étudiant, voire nettement plus pour certains cursus spécifiques. La France continuera ainsi d'accorder à chaque étudiant extra-communautaire un coup de pouce d'environ 7 000 euros par an. Donc la France paye 7 000 euros par an par étudiant extra-européen, par étudiant basané. 7000 euros par tête. En dépit de cette mesure, hein, qui est censée générer du bénéfice. Ce qui, pour un cycle d'études de 3 ans, représente plus de 20 000 euros. Évidemment, la hausse annoncée pénalisera d'abord de nombreux étudiants de milieux modestes. Loin de permettre aux étudiants étrangers de vivre dans de bonnes conditions, les mesures annoncées vont augmenter les difficultés qu'ils rencontrent, estiment les associations qui se mobilisent contre le plan gouvernemental. En augmentant très fortement les frais d'inscription, le gouvernement va renforcer la précarité. Pour éviter cela, le gouvernement prévoit d'augmenter fortement le nombre de bourses qui leur sont allouées. D'environ 7 000 aujourd'hui, celles-ci passeront à quelque 15 000, sans parler des bourses d'établissement, des bourses des États étrangers et de diverses autres aides. Alors voilà, donc j'ai fait un petit tour. Voilà, bon, on va pas rentrer dans davantage de détails, mais bon, là, ça donne une idée. Bon, enfin, l'idée, c'est de faire du nombre, d'attirer peut-être des fils de diplomates, je ne sais pas, je raconte un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, quand les frais d'inscription augmentent, alors si on se fie à ce qui s'est passé à Sciences Po, là, avec Descoings, le cocaïnomane notoire homosexuel mort d'une overdose sodomisée par des bodybuildés américains, lui, il avait fait augmenter très fortement les frais d'inscription à Sciences Po. On sait qu'une bonne partie était partie dans sa poche à lui, dans celle de ses copains. Donc il y a peut-être aussi là un truc un petit peu curieux qui se passe. Alors, il y a un petit point intéressant dans l'article que je citais. Le débat se focalise notamment sur la situation des étudiants africains en France, souvent présentés comme les premières victimes de la décision, alors qu'il faudrait aider les pays d'Afrique à développer leur économie. On estime leur nombre à 142 000, soit environ 40% du total des étudiants internationaux présents dans l'Hexagone. Donc, bon, il y a les dispositions aussi sur le visa, là. Il faudrait que je trouve ça. C'est peut-être pas mentionné. Non, c'est pas mentionné. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bon, peu importe. Mais bon, enfin, ce qui est certain, c'est que de toute façon, les universités françaises, et ça, c'est la stratégie qui est arrêtée. Bon, ça va, ça, sous couvert d'attirer les gens brillants, en fait, non, ça va simplement tiers-mondiser ce qu'il reste des universités françaises, en sachant que le niveau des universités françaises actuelles est déjà déplorable. Hein, je veux dire, moi, ça me fait marrer à chaque fois dans la presse. Oui, il s'agit de concurrencer ou d'entrer en compétition avec les États-Unis. C'est une farce, quoi. C'est une farce. Vous avez carré les universités françaises, c'est assez désastreux, quoi. Donc, je vois pas bien ce qu'ils vont attirer à part des nerfs. Alors, ils veulent peut-être ouvrir un peu plus au Moyen-Orient, je ne sais pas. Parce que tout ça, c'est parce qu'il faut savoir un truc. Toutes ces filières sont exploitées à outrance par les réseaux internationaux. Parce qu'ils disent, oui, mais les coûts, ça va être 3000 euros, ça va être beaucoup plus dur. Donc les gens se disent, ah bah voyez, ça va faire le tri. Bah non. C'est-à-dire que n'oubliez pas que quand ils veulent immigrer en Europe, là, tous ces Africains, quand ils prennent les navires là en Libye, etc., de toute façon, c'est des passages qui coûtent 10 000, 15 000 euros. Donc les frais comme ça, si c'est l'excuse qui va permettre d'avoir le sésame, rassurez-vous, ils vont se cotiser. Hein, faut pas s'imaginer que ça va être à quelques moments que ce soit un obstacle, quoi. Au contraire. Donc quand on vous dit on va passer de 300 000 à 500 000 à terme, parce que c'est quand même ce qui est prévu. C'est les villages vont se cotiser et puis c'est tout. Hein. Les villages vont se cotiser, ouais, mais... tout le monde va. Voilà, et puis c'est tout. Hein. D'autant que ceux qui viendront comme étudiants, ils n'auront pas à passer par les voies terrestres, ils n'auront pas à aller jusqu'en Libye. Ils peuvent prendre l'avion à Abidjan et puis ils seront à Paris. Puisque s'ils sont officiellement acceptés en France, il n'y a pas besoin de passer par les passeurs, si j'ose dire. Bien sûr. Bien sûr. Qui d'autre là-dessus ? Non ? Il y a peut-être une chose ou deux à examiner, à réfléchir. D'abord, c'est le nombre d'années nécessaires pour qu'un étudiant étranger qui réside en France puisse obtenir la nationalité. Ça, c'est un. Ensuite, est-ce qu'il y a un numerus clausus en médecine, par exemple, en France ? Et est-ce que ce numerus clausus concerne aussi les étudiants étrangers ? Parce que là... ça voudrait dire que des étudiants africains, par exemple, viennent en Europe, font leurs études, dépassent le nombre d'années qui leur permet de demander la nationalité puisqu'ils y résident depuis X temps, et ça leur permettrait aussi de ne pas retourner au pays pour toucher des cacahuètes, mais plus toucher de bons euros sonnants et trébuchants en France et ouvrir un cabinet ou quoi, ou travailler pour un hôpital ou n'importe quoi. Et donc concurrencer directement les candidats médecins natifs. Non, mais même pas. C'est même pas... Enfin, oui, bien sûr, il y a ça, mais de toute façon, je veux dire, les types sont des escrocs. Donc, on avait eu ce cas, rappelez-vous, emblématique d'un nègre de je ne sais plus quel pays d'Afrique qui avait obtenu, on ne sait trop comment, un diplôme en médecine en Roumanie et qui avait réussi à exercer pendant un an dans un hôpital de Normandie, quoi. En tant que psychiatre, je crois. Enfin, et ça, c'est quand le type reste dans sa branche. C'est-à-dire que, sans mauvais jeu de mots, le nègre reste dans sa branche. Mais... bon, comment dire Mais en fait, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est pouvoir rester sur le territoire français, se maintenir sur le territoire français, en pompant la CAF, en pompant toutes les aides sociales, en étant par ailleurs impliqués dans on ne sait combien de trafics divers et variés, faire venir les cousins, les trucs, les machins, tout en étant officiellement des étudiants. Enfin, ça, et ça te donne le cas du Pakistanais dont tu parles, 37 ans, étudiant en quoi, on ne sait pas trop, qui finit par planter X, Y. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, c'est le grand n'importe quoi. Ça va rester le grand n'importe quoi. Et en fait, moi, je vais vous dire un truc. Ce que je soupçonne derrière cette hausse, soi-disant, des frais, c'est que l'État français sait très bien que c'est un sas à immigration, en fait, que voilà, et qu'ils disent, bon, bah voilà, ils le disent pas comme ça, mais en gros, si vous voulez rester en France chaque année, bon, bah vous les nègres, c'est 1 milliard d'euros par an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, pour que la possibilité existe, eh ben, collectivement, ça va vous coûter 1 milliard. Voilà. Et démerdez-vous après. Bah après, les mecs, ils se cotisent, ils machin, hop, l'État est content, il prend 1 milliard parce qu'ils en sont à ça. Et voilà, en fait, donc c'est des dispositifs qui sont présentés aux masses comme étant des trucs pour bâtir des filières beaucoup plus exigeantes, en attirant à nous les cerveaux, quand en réalité, c'est simplement un État qui est tellement, mais à la ramasse économiquement, à cause de toutes ces dettes, etc., qu'ils en sont à compter les centimes. Et ils se disent, bah tiens, voilà, c'est une taxe sur les nègres qui ne dit pas son nom, c'est une taxe sur l'immigration. Voilà, ce dispositif-là, c'est une taxe sur l'immigration qui ne dit pas son nom. On dit, voilà, c'est pour faire venir les génies, machin, c'est des conneries. Et voilà, si vous voulez venir, ok, 1 milliard par an. Oui, il y a aussi une petite information, alors c'est pas directement sur la fac, mais peut-être que ça peut un peu éclairer aussi notre propos. Je crois qu'hier est tombée l'information comme quoi la France a versé 40 millions d'euros, vous me direz, c'est peut-être relativement dérisoire à l'échelle d'un pays comme la France, mais 40 millions d'euros au Tchad, puisque le gouvernement du Tchad ne parvenait pas à payer ses fonctionnaires, et donc notamment ses policiers, mais aussi ses professeurs. Donc vous voyez que tout ce système scolaire, etc., africain, il est en partie, il vit sous perfusion souvent du système français, donc... Là, on n'a qu'une des nouvelles preuves des liens qui existent, qui ne disent pas leur nom. De toute façon, visiblement, et je pense que c'est incontestable, c'est qu'en fait, l'Empire français existe toujours, sauf que tous les avantages de l'Empire français d'antan n'existent plus, il n'y a plus que les désavantages. C'est-à-dire que les nègres t'envahissent... Pour une petite élite, quand même, qui profite encore un peu de la France-Afrique, quoi. Les Total, les banques qui tiennent le franc CFA, qui impriment le franc CFA, enfin, des trucs comme ça, quoi. Oui, mais enfin, c'est tellement rien par rapport à ce que les gens ce que les Français subissent au quotidien. Je veux dire, c'est des grandes familles qui tirent bénéfice, mais concrètement, voilà, tu te retrouves à soutenir tout ce continent inutile. Enfin, le continent en lui-même, je veux dire, matériellement, géographiquement, n'est pas inutile, mais la population qui est dessus, certainement. Et voilà, et bon. À suivre, hein, au prochain épisode, dirais-je, peut-être. Qui d'autre là-dessus? À moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose là-dessus, sur la tiers-mondisation à caractère crypto-fiscal de cette mesure. Mais moi, je ne me souviens pas de qui il s'agit, mais quelqu'un parmi nous pourra peut-être le rappeler. Il y a un personnage politique qui, tout récemment, a dit que l'Europe, pas seulement la France, l'Europe et l'Afrique avaient un destin commun. C'est Asselineau, non? Asselineau? Non. Non. Jean-Claude Martinez l'a dit aussi. Ça doit être Borloo. Ils l'ont tous dit. C'est Borloo, Borloo. Ils l'ont tous dit, en fait. Mais Chirac l'a dit. Non, mais je veux dire, Macron l'a dit, Hollande l'a dit, Marine Le Pen l'a dit, Mélenchon. Tous, je veux dire, c'est une maladie. Montaignan. La négrophilie est une maladie, quoi, je veux dire. Alors, Mélenchon, c'est peut-être même le moins infect d'entre tous, parce que lui, il est... Mélenchon n'est pas affecté par la négrophilie tellement, il est beaucoup plus affecté en fait, par la maghrébophilie. Lui, là, c'est son vice originel. Mais entre les deux, c'est peut-être le moins dangereux, quoi, parce que vraiment, la négrophilie, c'est endémique. Marine Le Pen, vous le direz, Marine Le Pen, je vous le dis, elle le pense. Marine Le Pen veut à tout prix, comme Dupont-Aignan, comme Asselineau, comme Chirac en son temps et tous les autres, ces gens veulent l'Afrique, et même quitte à vous dire, en tout cas pour ce qui concerne la droite souverainiste, moi je ne sais même pas si c'est, je crois que c'est plutôt les négrocrates souverainistes, ces gens-là veulent très rapidement rompre les ponts avec l'Allemagne, parce que c'est insupportable de discuter avec des gens blonds aux yeux bleus, et de très vite courir vers les nègres. Ça, c'est... Bah oui, par le français. Du... Voilà, je sais pas... mais, c'est... mais c'est pas du tout, c'est pas du tout isolé. Hein. On en a déjà parlé, bien sûr, dans l'émission, mais c'est... en fait, si vous faites le tour d'horizon de ce qu'on appelle la droite et l'extrême droite française, la règle, c'est la négrophilie. C'est la règle. C'est... Voilà. Ouais. Si vous n'êtes pas négrophile, vous êtes une anomalie, en fait. Et je pense que t'as bien raison de préciser qu'elle est plus sournoise et plus dangereuse presque que la bougnoulophilie. Parce qu'en réalité, la bougnoulophilie est dangereuse surtout quand elle est accompagnée d'islamophilie. Parce que la bougnoulophilie il y en a très peu en fait, parce que tous les bougnoulophiles sont aussi islamophiles. Mais on va dire les bougnoules non musulmans sont génétiquement bien moins dangereux que des noirs, quoi. Les noirs affectent les blancs sur le plan génétique d'une manière irréversible. Un petit métis, c'est un dégénéré. Un métis de bougnoule et de blanc, il aura des problèmes parce qu'il aura deux cultures, tout ça. Mais si sur le plan culturel, il arrive à se retrouver en France, il sera génétiquement beaucoup moins dégénéré, quoi. Génétiquement, c'est pas du tout le même matériel. Ils sont quand même vraiment intermédiaires entre les Noirs et nous, quoi, les Maghrébins. Ouais. Ils sont à mi-chemin, quoi. Donc en fait, on va dire qu'un métis noir blanc, ça donne un arabe, alors qu'un métis arabe blanc, ça donne un demi-blanc, quoi. Ouais, c'est. Ouais, ou un demi-noir. Non mais en fait c'est bon, ça nous fait dévier du sujet, donc je pense qu'on va pas s'étendre là-dessus, mais je pense que si on va sonder Marine Le Pen, je suis à peu près convaincu qu'elle est très enthousiaste par rapport à cette mesure. Je pense qu'elle veut effectivement que la France redevienne une très grande puissance intellectuelle africaine, donc attirer à elle les plus grands génies, les Eddy Malou en fait du continent noir. Je suis absolument certain que ça l'emballe, je suis absolument convaincu que ça... On va produire beaucoup d'agrégés de grammaire, je crois, dans les années à venir. Ça promet. Troposphère 5, pour ceux qui connaissent. Ah, ce qui est sûr, c'est que quand la France administrait officiellement l'Afrique francophone, enfin, entre guillemets francophone, parce qu'on sait très bien qu'ils ne parlent pas tous le français, ils ne le lisent pas souvent, ils ne l'écrivent pas, mais quand il y avait un empire colonial officiel, il n'y avait pas beaucoup de Noirs en France, hein, donc il n'y avait quasiment pas en métropole, en tout cas. Ça a toujours une matière à réflexion. Oui, puis bon, il y avait dans l'administration coloniale, enfin à l'époque, en tout cas au 19e siècle, il y avait quand même pas l'illusion de l'égalité raciale. Enfin, ça n'existait pas, quoi. C'était clair que l'administration coloniale savait très bien à quel type de population elle avait affaire. L'explosion démographique du nègre a eu lieu, après voilà, la guerre. Voilà, mais ça c'est hein, oui. Hein, voilà. Oui. C'est, quand les Juifs ont gagné, de manière, ils ont fait ce qu'ils... Voilà. Voilà. Bon. Attends, les nègres, on va faire des élevages, et puis c'est les Blancs qui vont payer, c'est bien. Oui, enfin, ne dédouanons pas trop vite le rôle criminel de l'Église catholique dans cette affaire. Non, parce qu'on a quand même envoyé... Oui, mais il faut le souligner, on a quand même envoyé des femmes blanches génétiquement saines se déchaîner dans la jungle pour que les nègres se démultiplient et viennent ensuite nous envahir. C'est quand même la fonction de l'Église catholique. Oui. Quand même, historiquement, au XXe siècle, c'est ça. Bon, je veux quand même le rappeler pour ceux qui l'oublieraient. Donc, les œuvres missionnaires, machin truc, paraît-il, les nègres ont une âme. Bon. Théorie. Maintenant, on a des curés nègres aussi dans nos campagnes. Ah ouais, partout. Hein. Bah, de toute manière, il n'y a plus que eux qui. Qui y croisent, ça, tu veux dire, non? Bah ouais, un peu. Hein. Et encore. Bah disons, enfin, moi les. Ils ont surtout compris que c'était une bonne filière pour baiser de la blanche. Hein, oui, bah oui, moi, je sais pas si on a déjà parlé ici, j'ai déjà vu des curés nègres polygames, hein, c'est un truc qui. Ah oui. Ils sont tout à fait, ils sont pas mariés, ils sont polygames. Hein, c'est. Ouais, enfin, mais la polygamie, c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais, tant que ceux qui sont polygames, ce sont de bons grands ariens qui se reproduisent avec des belles blondes, pareil, hein, je veux dire. Ah bah non, c'est du nazisme. Et voilà, ouais, la polygamie, c'est dommage quand c'est les nègres et les bougnoules qui le pratiquent, quoi. C'est-à-dire que quand les blancs font de la polygamie comme ça, un peu sélective, ou pour transmettre les meilleurs gènes, ça c'est du nazisme, d'accord? Bon, interdit, les heures les plus sombres. Quand c'est les nègres et les arabes, ça va. Voilà. C'est un enrichissement culturel. Charré, c'est pas... Respecté par la CAF, précisons-le, les gens ne le savent que trop peu. Hein. Le facteur de la polygamie est parfaitement intégré par les caisses d'allocations familiales qui ne vont jamais, jamais contester la réalité de la polygamie. Hein. Jamais. Hein. Alors, de temps en temps, il y a un scandale comme ça, entre guillemets scandale, mais non, ils savent qu'ils donnent du pognon à des polygames, ça leur va très très bien. Oui, hein. Ce qu'il faut, c'est que juste les femmes ne soient pas dans le même logement, c'est-à-dire que... non, mais c'est ça, c'est vrai en plus, hein, c'est tout bien, oui. C'est-à-dire que, bon, mais là, non, il faut... On va mettre un deuxième logement pour le deuxième troupeau de nègres, quoi. Hein, le troupeau, voilà. on leur met une petite oreillette bleue, tu vois, bon, c'est pas les mêmes. Les nègres, mais c'est pas pareil. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, et on va en parler dans la deuxième partie, est si crucial, en fait, parce que ça pose la question du pognon. Qu'est-ce qu'on fait du pognon des Blancs, en fait, hein. Et n'allez pas chercher ailleurs le pullulement des nègres en France. Hein. C'est-à-dire, sans le pognon, sans l'infrastructure sanitaire, etc., mise à disposition par cette république juive en direction des nègres, vous n'avez pas ce pullulement-là, hein, ça n'arriverait pas. Hein. Ou en tout cas, beaucoup moins, et certainement pas au même rythme. Non, ça n'arriverait pas, c'est sûr et certain. Le nègre est là parce qu'il y a de l'argent gratuit. Hein. Voilà. Pour ça, ce dont parlait tout à l'heure l'auditeur dans son courrier, c'est ça. Le nègre, il veut du fric. Quoi. Il veut du fric, il veut pour bouffer, pour aller baiser des putes, peu importe, picoler, c'est ça. Hein. Nègre, dès qu'il y a du pognon, en 5 jours, il n'y en a plus. Hein. Et encore 5 jours, je suis gentil. Pour bien se saper aussi, n'oublie pas qu'il est très important d'être un sapologue quand les gens autour de toi chient dans la rue. Hein, c'est... Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Il y a des priorités dans la vie. Rubrique numéro 2, les amis, autisme radical. Alors là, nous allons dans le nord de la France. Finalement, nous restons sur le thème de la diversité culturelle, du vivre ensemble, de cette république qui chaque année un peu plus s'enrichit des différences. Et là, je crois que nous faisons un nouveau pas dans la bonne direction. Nord de la France, donc, ça c'est le journal La Voix du Nord qui nous en fait part. Je précise, et ça a son importance pour la suite de l'histoire, que La Voix du Nord est un journal d'origine communiste. D'accord ? Donc c'est pas nous qui mettons l'étiquette communiste à ce journal, c'est historiquement un journal pro-communiste, hein, et pro-socialiste par défaut, qui a violemment pris fait et cause contre Marine Le Pen. Alors bon, Marine Le Pen, vous savez tout ce qu'on en pense ici, mais c'est pas là le sujet, c'est, disons, qu'ils ont pris fait et cause contre le Front National et Marine Le Pen en 2017 au nom de la lutte antifasciste. Hein. Donc c'est vraiment les vieux communistes pro-immigration, pro-arabe, pro-nègre, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils défendent. Donc, ayez ça en tête, et maintenant, je vous lis l'anecdote dans La Voix du Nord qui explique ce qui est arrivé à deux de ces journalistes au féminin. Alors que notre journaliste leur demandait de faire preuve, donc à des jeunes lycéens en question, jeunes lycéens, vous avez compris que c'est crypté, faire preuve d'un peu de respect en s'éloignant prudemment, un des agitateurs a lancé dans leur direction une bouteille contenant notamment de l'acide. qu'elles ont heureusement réussi à éviter avant qu'elles n'explosent à quelques centimètres d'elles. Les deux journalistes s'en tirent avec plus de peur que de mal. On ne peut hélas que constater une très forte dégradation de nos rapports avec, heureusement, ce qui n'est qu'une infime partie des manifestants. C'est évidemment intolérable. Les journalistes régionaux et les correspondants vont chaque jour au contact de la population. Cette proximité nous permet d'aller au plus près de la réalité. Nous n'avons pas attendu les récents événements pour dénoncer l'abandon de certains territoires, la fracture sociale et numérique. Je sais pas ce que c'est un fou de la terre numérique. Bon, dont sont victimes des populations qui se sentent déclassées. Notez le terme des populations. Hein. Nous sommes encore là quand il y a des bonnes nouvelles. L'implantation d'une nouvelle mosquée, non je déconne, entreprise. Une rénovation urbaine, un regain d'activité. Cette proximité nous permet de traiter de façon équilibrée les conflits en nous engageant pour la région aux côtés de ceux qui la font vivre. Aux 310 journalistes. Notez le nombre, hein, je veux dire, nos 310 journalistes continueront à exercer leur métier avec sang-froid et équilibre, parce que nous pensons que c'est le contrat de confiance qui nous lie à la majorité des lecteurs et des habitants du Nord-Pas-de-Calais. On peut décrier la presse, lui faire des reproches qu'elle mérite parfois. Il ne reste pas moins que les seuls pays où la presse n'est pas libre de faire son travail sont des dictatures. Alors, les amis, vous avez remarqué que l'article termine quand même par une attaque voilée en direction contre l'extrême droite. Hein. Bon, on peut le dire. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est ce terme contrat de confiance. Parce que venant d'un torchon communiste qui est aligné sur tout ce qui se fait de plus dégoulinant de juiverie, bah, c'est juste, comment te dire, c'est le foutage de gueule, quoi. Contrat de confiance, Darty, juif. S'il vous plaît, l'encul, c'est par où? C'est par là, je signe, merci, au revoir. Alors, ouais, c'est bien, ta première remarque est intéressante parce qu'il dit contrat de confiance. Alors, moi, j'ai pas signé de contrat. On m'a jamais dit à un moment donné que j'avais signé un contrat. Ça doit être un contrat à la communiste, en fait. C'est que tu sais pas quand t'as signé, tu vois, mais t'as signé, quoi. Ouais, mais ce que je vais dire, c'est-à-dire que c'est bizarre qu'un journal communiste se mette à te faire le respect du contrat, de la propriété privée, presque. C'est limite libertarien, quoi. Il y a un contrat, on ne sait pas lequel. Mais oui, ton explication est la bonne. On ne sait pas quand c'est qu'on a signé, effectivement. C'est la lutte des classes, c'est Marx, hein, parce qu'il a dû signer le truc, hein, à tous les coups. vous avez remarqué, hein, l'article finit donc dans une attaque très claire contre les dictatures. Or, vous avez compris, puisque c'est ça le cœur du message, c'est que ce sont des lycéens qui ont violemment attaqué donc les journalistes en question à coups d'acide. Bon, lycéens, vous avez compris que c'est pas Rémi et son copain Fabien particulièrement remontés contre la presse parce que fils de frontistes ont décidé de mettre de l'acide dans des bouteilles. Vous avez compris que bon, les attaques à l'acide, que ce soit à Londres, à Marseille ou ailleurs, sont caractéristiques quand même de la culture islamique. Je crois que ça va de soi, il faut quand même le dire. C'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas mentionné en cet article. Donc c'est les types, après ils vont t'expliquer, nous luttons pour la vérité, la liberté d'information, etc. Nous sommes courageux, nous allons au contact de la population. Sauf que tu lis l'article, à aucun moment ils t'expliquent que c'est des bougnoules qu'ils ont agressés. C'est fascinant quand même. Alors c'est surtout le Pakistan, oui. Hein, surtout le Pakistan, le vitriol. Et c'est Afghanistan intéressant. Un peu aussi. Oui, bah ce coin-là. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, je me permets voilà. De l'émission. Oui, oui, on voilà. Est dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il y a beaucoup de Pakistanais, d'Afghans qui cherchaient en Angleterre. Ils ont force à aller dans les cours. Ils sont des on a force à aller en cours, ouais, c'est peut-être ça. Ou alors il y aurait des échanges culturels de part et d'autre de la frontière. auquel cas, ce serait une nouvelle approche des relations entre le Royaume-Uni et la France, qu'il faudrait saluer. Hein, les échanges culturels se font, la jeunesse parle à la jeunesse. Jeunesse d'Europe, parle-nous, lève-toi et balance du vitriol partout. Quoi. Non, mais là, pour. Autisme radical. Hein. Alors, mais en plus, tu sais, il y a tout le prêche, tu sais, nous allons au contact de la population, tu sais, nous sommes proches de vous, etc. C'est comme si c'était. C'était la population française, tu sais, qui ne comprenait, qui refusait la liberté d'informer. Et tu sais, t'as tout le. Je parlais de prêche, mais c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de religieux là-dedans. Tu sais, t'as l'impression t'as l'impression de lire les papiers qu'ils font sur la Russie de Poutine, tu sais. Tu sais, ah, on s'est fait matraquer par les flics, on n'a plus le droit d'informer, machin. Non, non, c'est les bougnoules qu'ils ont fait venir, qui peuvent tellement plus les voir non plus, parce qu'il faut imaginer, c'est deux nénettes, là, hein, c'est deux nénettes. Alors, t'imagines les machins du lycée en question, les mecs ont peut-être 17 ans, 16 ans, c'est déjà des dealers, voire des proxénètes. Ils voient les deux machins arriver, alors oui, pourquoi vous mobilisez-vous, etc. Les types, ils en ont rien à foutre, tu vois, ils veulent juste sécher les cours pour aller se défoncer et toucher le cul des blanches, tu vois. Et ils voient les deux là avec des micros, et ouais, celle-là, elle bosse pour les flics. Allez, voilà, la bouteille d'acide. Oh, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé à Cologne, notamment il y a deux ans, non, au moment de la Saint-Sylvestre, avec les bougnoules et tout, qui avaient violé à moitié ou à toucher plein d'Allemandes. Et il y avait une journaliste française qui avait dit le rêve, ce serait que ce soit des gens d'extrême droite qui aient commis ces méfaits. Ah oui, il y avait eu ça aussi avec le Bataclan. Non, c'était avec. C'était en 2012 avec l'affaire. Comment il s'appelle à Toulouse là ? Azaratora. Mera, ouais. Il avait dit, il y avait eu des tweets et tout, hein, il y avait eu off the rédac, je me rappelle, off the rédac, je sais plus dans quelle rédaction, si c'était Rue 89 ou quoi, ou Libération. La Libération, ouais, on espère tous que c'est des skinheads, etc. Ouais, on a réalisé une belle construction intellectuelle, on aimerait vraiment que ça ait un lien avec la réalité, bon, ça n'en a pas, mais on prie très fort. Voilà, c'est ça, ouais, on prie très fort. Ouais, ils sont très religieux, en fait, hein, ils sont très religieux. De toute façon, il n'y a plus tellement que la religion qui peut peut-être par miracle, les raccorder à la réalité, parce que sinon, c'est perdu, hein. Voilà, donc 310 journalistes, disons, putain, la vache, c'est l'armée populaire de Chine, le truc, là. 310 journalistes. Oui, c'est assez énorme, quoi, hein, pour la petite région, quoi. Oh là là, les caisses noires du parti à la région, faut que ça arrête, hein, c'est plus possible. Non, parce que c'est ça, les gens, ils disent, ne vous posez pas la question un instant, c'est-à-dire que c'est les partis politiques sur les fonds publics et tout, il y a des caisses noires, ça finance des machins comme ça, après tu dis, tiens, c'est marrant, l'information dans le Nord-Pas-de-Calais avec la voisine est orientée, étonnant, bah oui, et pour cause. Bah, c'est une des raisons des succès électoraux du FN, quoi qu'on pense évidemment du FN, mais en tout cas ils ont pris quand même la mairie d'Hénin-Beaumont, plus tel ou tel poste, et c'est notamment sur la corruption généralisée qui avait été révélée, notamment par les anciens maires, etc., qui avaient avoué qu'il y avait tout un système pour pomper le pognon, bah, le pognon des pauvres, hein, puisque en plus le Nord-Pas-de-Calais c'est un des coins les plus pauvres de France. Ben ça continue, alors, je veux dire, le mur de Berlin n'est pas tombé dans leur Pas-de-Calais, hein, il est toujours en place, hein, c'est toujours, il y a Martine Aubry à Lille, il y a Xavier Bertrand, le franc-maçon du Grand Orient, Xavier Bertrand, par ailleurs membre du parti de droite dure, hein, les Républicains, qui mènent le bal à 20, enfin, dans les Hauts-de-France, parce qu'ils ont créé cette région-là. Non, mais le système judéo-maçonnique et judéo-bolchevique est tenu d'une main ferme, hein, dans le Nord, hein. Ah, les dinosaures sont toujours là. Là, ils attendent encore. Ils ont peut-être pas encore compris qu'à Moscou, c'était plus l'Union soviétique, mais ils sont toujours dedans, quoi. Ils sont. C'est même plus des dinosaures, là, c'est de la spéléologie, là, je crois. Non, mais c'est stupide. C'est extraordinaire. Et puis alors, c'est simple, hein, et c'est vrai ailleurs. De toute façon, quand ces mecs-là, ils sont coincés, quand vous les surprenez la main dans le pot de confiture, ou quand ils se font gauler misérablement en train de piquer la caisse, ou en train de truquer les élections. Rappelez-vous d'ailleurs, vous avez eu l'élection, vous rappelez pas de cette élection cruciale à la tête du Parti Socialiste, quand Ségolène Royal était rentrée en compétition contre Martine Aubry, c'était dans le nord de la France, la plus grosse fédération du Parti Socialiste, que ça avait triché, enfin c'était brejnevien, hein, comme ambiance, hein, et comment dire, c'était là encore un grand moment de fraude, et à chaque fois ils se font gauler, quand ils se font surprendre, et oui mais quand même les valeurs de la République. Ça, c'est le joker, quoi. Tu sors le mot république et tout le monde doit fermer sa gueule et c'est terminé. Voilà. Bon. Ça marche pour tout, la république, en fait. Même, Marine Le Pen, malgré toutes ses lacunes, en 2012, elle avait voulu déjà être élue députée. Elle avait été battue au deuxième tour avec 49,9 et quelques pourcents des voix. Recompte interdit. Enfin, ils avaient mobilisé tous les recours. Interdit. Ah ouais. Oh, les cimetières avaient dû voter un petit peu, là, non. Quelques bulletins étaient passés dans les poches des camarades. C'est autorisé. Ils ont toujours leur carte au parti. C'est bon, ils ont le droit de voter quand même. On sait pour qui ils votent, même s'ils sont morts. Donc, faut pas trop chercher. Qui d'autre là-dessus sur bon, ça appelle pas de grande, hein, ça appelle pas de grande analyse, mais les journalistes qui se clashent avec la population, parce qu'ils disent, ils accusent beaucoup, vous savez, les clashs entre la population gauloise de souche, où ils accusent de populisme, de fascisme, etc., parce que les gilets jaunes crachent ou insultent ou voilà, s'en prennent à des journalistes qui mentent, on se demande pourquoi. Mais visiblement, il n'y a pas que les gilets jaunes, hein, il y a aussi d'autres populations qui ont des griefs vis-à-vis de la presse locale. Non ? La défiance est générale, en tout cas. On pourra dire ça. Ben ouais, c'est là qu'on voit que mettre des féministes, enfin des nanas qui vont dans des groupes où tu as des jeunes de cités, de banlieues, enfin des jeunes métèques qui ne sont pas très au fait de toute la soupe féministe qui est servie dans les universités et les écoles de journalisme. Ben ça fait des trucs sympas, et en l'occurrence ça fait des jets de vitriol. Bon, à voir, hein, parce que là pour le coup ils ont manqué, hein, cette fois-ci. Oui. Est-ce que ça va se développer? Oui, parce que quand c'est arrivé au Royaume-Uni, les jets de vitriol, ben ça, bon, ouais, ça se dit, ah ben tu fais, finalement c'est bien, on va continuer. Ben, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. Moi j'aime bien quand les gonzesses comme ça sont confrontées en fait à la dure réalité du terrain, parce que ça me fait penser en fait à la grande sœur d'un de mes amis d'enfance, qui était vraiment à gauche quand elle était plus jeune, et puis en fait elle est devenue prof, puis elle est montée à Paris, et puis en fait elle est devenue raciste, voilà. C'est étonnant, bizarre, c'est curieux ça. Je comprends pas le lien de cause à effet. Moi, je... Non, mais bon, en même temps, bon, écoutez, dans l'absolu, moi, je suis quand... Moi, je propose un truc, un contrat de confiance. Je propose un contrat de confiance. Moi, je pense qu'il faut tendre la main à ces jeunes populations qui sont un petit peu déboussolées dans un nouveau pays. Il faut apprendre à les comprendre. Et si, pour s'intégrer un petit peu plus en France, ça passe par vitrioler des journalistes de gauche, féministes et antifascistes, bah écoutez... Moi, je veux bien tendre la main à ces jeunes musulmans. Ouais. Moi, je veux bien tendre la main à ces jeunes musulmans. Et d'ailleurs, ouais, je veux être un peu audacieux. Je dis qu'il faut changer la loi et qu'il faut permettre le droit coutumier afghan ou pakistanais de rentrer dans les us et coutumes des territoires où ces populations vivent, et de dire que voilà, oui, quand des journalistes de gauche... voudront aller dans ces territoires parler aux jeunes, eh bien, il pourra arriver de temps en temps, effectivement, que ces jeunes expriment un mécontentement et que ça passe par le vitriolage. Oui, c'est-à-dire que quand ces chiksas iront faire du colonialisme culturel, faudra qu'elles s'attendent, effectivement, à ce que le droit coutumier, qui est le futur droit de le futur droit en place, hein, et ça remplacera le code civil, le code pénal, tout. Le droit colonialiste, oui. Voilà, hein, bien sûr. Ça sera très bien. Ça sera très bien, ça. Voilà, alors j'appelle ça un contrat de confiance, moi. Oui, moi je peux. Les valeurs de la République aussi marchent très bien. Moi je demande que dès l'an prochain soit inscrit dans les cours de physique-chimie l'obligation de savoir faire des cocktails Molotov et de savoir vitrioler. C'est important. Ah, alors là, par contre, j'aime te dire, personne ne va sécher les cours, là. Voilà, ce sera la matière importante, et le reste, ceux qui n'auront pas réussi, ils redoubleront. Voilà. Si je puis me permettre, il ne faudrait pas bouder notre plaisir, et nous pourrions aussi étendre la pratique à Charlotte Dornella, entre autres choses. Pourquoi ? Ah ben, c'est pas nous qui faisons ça, hein. Nous, on dit simplement que si la jeunesse musulmane a ses coutumes, il faut amender le droit pour que ça ne soit pas pénal, enfin, que ce soit pas sanctionné au plan pénal, que ce soit simplement, voilà, le droit coutumier qui intègre ces pratiques. C'est tout ce qu'on dit, on n'encourage pas à le faire. Hein. C'est une question d'égalité, en fait, qualité de traitement. Nous ne pouvons pas réserver de tels privilèges aux seuls journalistes de gauche. Ah bah après, c'est aux jeunes musulmans de discerner, hein, de dire à qui ça s'applique. Hein. Voilà. Hein? Bon, la question est ouverte et bon bah on va voir, hein, mais moi je on a trouvé une piste intéressante, voilà. D'ailleurs, précisons d'ailleurs qu'à Lille se trouve l'école de journalisme de Lille, très connue pour produire beaucoup de communistes. Donc bon. Y aurait-il une entente qui se formerait avec ces jeunes musulmans? Je ne sais pas. À voir. Alors, rubrique numéro 3. Vous allez voir qu'on finalement on quitte tellement le monde du sémitisme, puisqu'on passe de l'islam au judaïsme. Le sale juif de la semaine, Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui fait parler de lui parce qu'il est très inquiet. Il est très inquiet, vous allez voir pourquoi. Et je lis « The Times of Israel ». Alors, le temps d'Israël, qu'est-ce que nous dit ce journal en langue française et anglaise, pour ceux qui ne le savent pas? Le grand rabbin de France a adressé vendredi un courriel à l'ensemble du corps rabbinique à la veille des nouvelles manifestations des Gilets jaunes ce samedi. Ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est le Times of Israel. Hein. En cette veille de Shabbat et de nouvelles manifestations qui s'annoncent potentiellement violentes, je vous invite à faire de ce temps de prière hebdomadaire un moment particulier de ferveur et de convivialité. Je vous saurai gré de réciter la prière pour la République française avec une intensité singulière. Je vous souhaite Hanukkah Samea, Shabbat Shalom et Oder Mevora, car la conjugaison de Hanukkah et d'un nouveau mois qui commence sont le signe que les horizons les plus obscurs peuvent devenir lumineux en un instant, si nous savons rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Voilà, une prière particulièrement intense donc pour Shabbat, pour la République française. Alors je précise, hein, pour la République française, hein, c'est pas pour les Français ou la France, c'est pour la République française. Qu'est-ce que ça vous inspire, chers amis, chers participants? Moi, j'ai envie de dire merci aux Juifs d'être là pour défendre nos valeurs. Voilà, défendre nos valeurs, important. Qui d'autre? Mais c'est quand même un petit peu contradictoire avec un autre article du Times of Israel où un avocat anglais, entre guillemets, nommé Mark Lewis, s'adresse à ses compatriotes juifs confrontés à la montée de l'antisémitisme. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, voilà, les gars, je résume hein, avec mes mots, les gars, il est temps de se barrer, l'Europe est finie. Alors, on n'a plus notre place ici, quoi. Et c'est Times of Israel qui le rapporte. Il s'adresse à ses coreligionnaires, avec son associé, c'est un avocat, et il est associé à une autre coreligionnaire qui s'appelle Mandy Blumenthal, et eux disent, bon, les gars, il est temps de se barrer. Oui, c'est des recommandations qui fleurissent un peu partout dans les publications communautaires juives internationales, qu'effectivement l'Europe continentale n'est plus vraiment un lieu où il fait bon vivre pour les Juifs. Bon, mais notez hein, que visiblement, alors c'est très curieux parce que il y a dans l'appel à prier. Donc déjà, on découvre une chose, c'est que les Juifs en appellent à Yahvé. Hein, voilà, on en appelle à Yahvé pour défendre la République française. Je crois que ça veut un peu dire que la République est une République juive. Enfin, voilà, on se comprend mal. Mais si je lis ses propos, c'est clairement religieux, quoi. Il en appelle à Yahvé, à la ferveur, pour défendre la République. Contre qui? Les Gilets jaunes. Alors moi, si je regarde la sociologie des Gilets jaunes, et si je regarde les Gilets jaunes, en fait, moi, je vois des Français. Les Blancs, voilà. C'est-à-dire... Voilà, des Français qui parlent français, qui sont français, qui n'ont que des Français parmi leur ascendant. Je regarde les ronds-points, les blocages, les manifestations un peu partout en France. Je vois des Français, je vois des Gaulois. Quand je regarde à Paris, centre, etc., je parle pas des Gilets jaunes, enfin, dans la sociologie des grandes villes, j'en vois déjà beaucoup moins, quoi. Donc, c'est curieux. Visiblement, le peuple français est mécontent, il se révolte contre des injustices. Réflexe, donc, du grand rabbin de France. Invoquons Yahvé pour défendre notre belle République, pour s'assurer que ces Gaulois ne parviennent pas à bah finalement à renverser la table et peut-être à récupérer leur destin en main. Bah, excusez-moi, mais pour moi, c'est la définition même d'une République juive. C'est la définition même d'une République juive. Mais pourquoi tu t'excuses? Bref. Tu es trop bon encore. Tu n'as pas encore assez de haine. S'excuse de nous avouer un tel rame, une telle catastrophe. Non, mais c'est beau parce qu'il se cache pas, je veux dire. Genre, vraiment, c'est. Cache de moins en moins, oui. Ouais, j'avais cru que la République était laïque, mais je vois qu'elle est plus religieuse que prévu. Plus religieuse que prévu. On n'a pas encore l'Église catholique qui appelle à prier pour la République française. Ça va pas tarder, je pense, avec Bergoglio, mais. Bon. Oh, je voulais voir quelques évêques ou quelques curés qui ont dû le faire. Hein. Non, mais je veux dire, c'est inédit que la juiverie appelle à prier Yahvé pour lutter contre un mouvement social en France. C'est inédit, ça s'est jamais fait. Hein. Oui, je pense qu'ils ont dû faire un petit peu la même chose le 6 février 34. Hein. Oui, mais là, ça n'a pas la même résonance parce que. Le Corsia, lui, c'est le type qui s'invite à l'Elysée quand il veut. C'est eux qui mènent le bal. Donc, c'est ce que je veux dire, quoi. On ne peut pas nier le caractère religieux de cette République et quelle est la véritable autorité spirituelle qui chapeaute cette République. Et je veux dire, notez bien que le mouvement des Gilets jaunes, officiellement et dans ses manifestations, n'est pas antisémite. On est d'accord. C'est pas un mouvement qui sur les ronds-points, fait de l'antisémitisme un combat, on est bien d'accord, quoi. Alors c'est très bizarre, parce que pourquoi le grand rabbin se sent menacé par des gens qui n'ont jamais cité les juifs explicitement, qui ne font pas du combat contre les juifs même un sujet, qui parlent de complètement autre chose, qui parlent de fiscalité, qui parlent de dette, et tout d'un coup les juifs sont là, Yahvé, aide-nous. C'est bizarre quand même, non? Pourquoi tout d'un coup ce raidissement chez les juifs, alors qu'à aucun moment les juifs ne sont cités... C'est vrai, je le confesse, j'ai vu cette semaine un gilet jaune parler de la loi Rothschild. Ah oui, oui, oui. Le SHBFM, ça les a... Enfin, c'est oui, pas la loi Rothschild. Il parlait de Macron qui venait de chez Rothschild, et là... Il y a eu ça, c'est-à-dire qu'on a dit il vient de chez Rothschild. Là, il y a eu un choc, effectivement, où la personne a dit mais c'est antisémite. Voilà. Ouais. Alors que c'est factuel. Le mec vient de chez Rothschild, point barre. Mais oui. Les faits sont antisémites, on ne le dira jamais assez. Non, là, c'est quelqu'un qui a parlé de la loi Rothschild 1973 sur le fait que la France, plutôt que d'émettre elle-même la masse monétaire, lève en fait sa dette sur les marchés financiers internationaux. Sur d'ailleurs conseil appuyé de Pompidou et de Rothschild. Bon, ça, c'est un autre débat. Bon. C'est vrai que c'est des discussions qui ont lieu en ce moment parmi au sein du peuple français, en fait. Et là, pareil, il y a un petit truc de... Je sais pas. Je crois qu'il y a des gros coups de chauffard en ce moment-là. Et ça souffle. Ça souffle. Ça souffle, ouais. Ça souffle. Quelqu'un d'autre là-dessus? Pas spécialement? D'accord. On fait une pause musicale et on se retrouve, les amis? Allez. Ouais. À tout de suite. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 3, épisode 49. Alors, pour la troisième semaine consécutive, nous avons parlé des gilets jaunes, car il le faut bien, parce que bon, comme vous le savez, l'émission est quand même gouvernée par le principe de l'actualité, en règle générale, et que, bon, il s'agit clairement d'un mouvement inédit, de toute façon, qui attire maintenant une attention internationale, donc, bon... Évidemment, il faut suivre ça de très près. Surtout que beaucoup de nationalistes, de camarades, sont impliqués dans le mouvement. Donc, ils attendent aussi, bien évidemment, qu'on en parle. Et c'est le cas. Alors, on peut dire que cette semaine, bon, le point d'orgue, ça a été le 8 décembre, samedi à Paris. On va y revenir longuement, mais avant, avant ce jour, on va dire ce point de focal qui était le samedi 8 décembre, il y a eu toute une préparation d'artillerie, j'ai envie de dire, médiatique, pendant pratiquement une semaine, hein, où on nous a, bon, on va en parler, mais on nous a bombardé de messages, il y a eu une narration qui a essayé d'être imposée par les médias et le gouvernement. En gros, en disant aux gens que ça allait être extrêmement violent, que des gens arrivaient avec des armes, qu'il y allait avoir des morts, bon, que c'était pratiquement effectivement un début de guerre civile qui allait se passer dans les rues de Paris, c'était ça qui a été expliqué. Dans quelle mesure l'élite dirigeante a cru elle-même à sa propre propagande, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Juifs, tous, sans pratiquement aucune exception, à quelques exceptions près qu'on va retrouver à l'extrême gauche, assez rares, mais assez massivement, les Juifs ont pris fait et cause pour le système, pour le régime, pour cette République juive, et ça fait le lien avec ce qu'on a dit avec le grand rabbin de France, qui finalement a donné le ton religieux de la bataille, hein, en disant, voilà, c'est l'État sémite, contre la révolte arienne. Voilà, en résumé. Première prise de position, et la plus importante, c'est celle de Bernard-Henri Lévy. Il y a beaucoup de Juifs qui ont pris des positions, parmi les journalistes, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Mais évidemment, et vous le savez tous, Bernard-Henri Lévy, sa parole compte. C'est un petit peu la boussole qui indique toujours le sud, hein. C'est-à-dire qu'il donne une direction, la direction des Juifs, et vous savez que vous, en tant qu'Arien, en tant que Blanc, en tant que Français de souche, vous allez aller dans l'autre direction si vous voulez défendre vos propres intérêts, quoi. Alors, il a bien résumé la chose dans un tweet, paru il y a vraiment un petit peu... Enfin, je crois que c'était la veille, en fait, de l'affrontement, quelques jours avant, en tout cas. Et alors qu'on était à la troisième journée de mobilisation, parce que ça faisait déjà 15 jours que le mouvement était lancé, voici ce qu'il dit. Que Macron parle ou pas, que l'on soit d'accord avec lui ou non, qu'on soit pour ses réformes ou contre, n'a, à cet instant, aucune importance. Face à la montée en puissance des fachos, des factieux et des ennemis de la République, une seule option digne, soutien au président Macron. Voilà. Et je trouve que ce message résume parfaitement tout le positionnement des Juifs, de la puissance juive en France, qui tient donc l'État et la République française, puisque, enfin, française, oui, de nom, mais République juive en place. C'est vraiment, vraiment l'union, le front commun pour défendre ce qu'il y a à défendre. Hein. C'est l'urgence absolue. Alors, je commence là-dessus, je vous demande maintenant votre sentiment. Alors, ça peut être sur les propos de BHL, ou beaucoup plus largement, quoi, sur les positions des journalistes juifs qui se démènent, hein, sur BFM TV, sur LCI, enfin partout. S'il y a une chose que cette révolte souligne, c'est vraiment à quel point le pouvoir juif est en guerre contre les Français. Là, on ne peut plus le cacher. On ne peut plus dire c'est une théorie, c'est une supputation qui vient de l'extrême droite antisémite, ou qui vient de l'extrême gauche antisioniste, ou qui vient des sphères, comment dirais-je, musulmanes. Hein, voilà, c'est, non, là, c'est objectif, flagrant, la puissance juive est unanime. Ce mouvement doit être détruit. Ce mouvement populaire doit être détruit coûte que coûte. Et c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy, quoi. Alors, du coup, je vous sollicite. Tu as BHL, effectivement, tu as d'autres journalistes. C'est effectivement religieux. C'est-à-dire qu'on s'attaque de la manière dont ils se coalisent. Hein, on a l'impression, et c'est le cas, hein, qu'on s'attaque à leur beefsteak. Hein, c'est comme si on venait piquer dans leur assiette. Là, putain, merde, je vais pas avoir assez à bouffer. Alors, c'est ce qui est assez cocasse hein, pour... du fait que la manifestation en question ce soit composée généralement de gens qui n'arrivent pas à boucler correctement les fins de mois. Donc là, le juif, lui, ben ouais, il a peur de ne pas pouvoir augmenter la taille de son pantalon, d'avoir bouffé comme un porc. Hein. On a des problèmes différents, hein, faut-il croire. Oui. Peut-être Fulbert peut prendre aussi un petit nous en parler parce que tu n'as pas manqué à mon avis de l'observer. En tout cas, en citant Bernard-Henri Lévy, ça te frappera aussi. Le caractère sémitique de la résistance du régime à cette insurrection populaire. Oui, certainement. Bon, pour ce qui est de BHL, je l'évite, hein, sans jeu de mots. Parce que, bon, ce type dit des conneries sur conneries, des contresens, des contre-vérités. Moi, je le trouve fatigant, Bernard-Henri Lévy. Il fut un temps où il était, jusqu'à un certain point, il était amusant. Maintenant, il est franchement fatigant. Mais bon, faire le lien, enfin, le rapport entre l'État français ou autre, hein, en Europe, hein, nous y trompons pas, oui, c'est vrai qu'il y a, derrière tout ça, il y a une puissance maléfique et religieuse qui est détestable par-dessus tout, ça c'est certain. Les Américains l'avaient détecté longtemps avant nous, hein, quand ils parlaient de ZOG, Zionist Occupation Government. Nous, on devrait dire JOG, à mon avis, mais bon, voilà. Bah nous, on parle de gouvernement d'occupation juif. Bah oui, Jewish Occupation Government. Joe. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est même pas une figure de style, parce que certains pourraient dire, bah, quand même, non, mais là, c'est ça qui est extraordinaire avec ce mouvement. Enfin, de toute façon, tout va très vite, on le voit. Je pense que ceux qui nous écoutent le constatent, il y a des tas de choses qui apparaissent. Le comportement des flics, on va le voir. L'attitude des partis politiques, des syndicats. C'est vraiment en temps de crise que, vous voyez, tout ce qu'on subodore, enfin, tous ceux qui passent du temps à analyser, peuvent décrire, etc., mais rien ne vaut la pratique, la démonstration pratique qui va très très vite. Hein. Là c'est, vous pouvez pratiquement faire du heure par heure. Hein. Heure après heure, vous allez voir une manifestation qui aurait pris autrement 1 an, 2 ans, 10 ans à se faire jour. Quoi. Là, vous le voyez, c'est en face de vous, puis c'est dans l'urgence. C'est ça qui est bien, en fait. Ils sont sous pression, et sous la pression, on peut faire beaucoup de bêtises. Et là, on les voit. Et ils en font beaucoup. Ils disent des choses qu'ils devraient pas dire, ils ont des attitudes qu'ils ne devraient pas prendre. Par exemple, vous avez vu, là je fais un petit aparté, mais on en est là aussi. Xavier Mathieu, vous savez, il vient de l'extrême gauche, hein, c'est vraiment le gauchiste là qui était l'usine continentale. Qui a été candidat dans le truc à Besançon. CNPA, oui, c'est vraiment le trotskiste, ouais. Antiraciste, bon pro-arabe, etc. Enfin, c'est vraiment pas des gens de nos milieux, quoi. Il est sur le plateau de BFM TV, il y a eu cette émission-là. Ils ont dit comment régler la crise. C'était pas ça, enfin, un truc comme ça. Comment dénouer la crise, trouver une solution à la crise. Le truc qui est pas pédant, déjà. Genre, deux journalistes sur le plateau de télévision vont trouver une solution à la crise. Ils ont fait venir Schiappa. Donc, ils ont que ça à mettre en première ligne. Vous imaginez, un Schiappa. La sous-ministre au verbiage féministe et PD, et de Rugy, qui est bon, alors lui, bon, complètement perdu. L'opportuniste de A à Z. Ouais, l'opportuniste pseudo-écologique, et enfin qui est là, le préposé au pillage des vieux, en fait. Hein. Des pillages des vieux, des jeunes, tout le monde. Ouais, non, lui. Sous le sceau de l'excuse écologique, voilà. C'est le successeur de Hulot, hein, précisons-le. C'est ça. Alors, il y a cette émission à la con. Petit détail, ouais. Petit détail dans l'émission, vous remarquerez que les journalistes étaient bien placés en hauteur, on aurait dit des juges. C'était, ils lui donnaient la parole, ils donnaient le doigt. Il y avait la rue Tel-Krief. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe là au second larron qui était à côté d'elle. Mais tu avais le cal qui disait quand parler et quand fermer ta gueule. Là, bon, le gars, hein, le Xavier Mathieu, c'est ça. Hein, il a dû ressentir déjà d'être placé dans une posture de la patte de goy, là, on te fout là, t'es en bas, là, ta gueule. Hein, et ça y a pas plu. Ça y a pas plu. Oui, précisons bien, il faut bien insister, t'as raison de le souligner, c'est que dans la disposition du plateau, les journalistes étaient surélevés. Voilà. Un peu comme un pupitre de professeur ou de juge, de magistrat. Oui, de juge, et il y avait... le cal. Voilà, de juge, voilà, le cal. Et il y avait les goyes qui étaient censés discuter entre eux. Donc en fait, les goyes se faisaient face à face comme ça. Mais ceux qui étaient face caméra, c'est-à-dire que pour celui qui regarde la télévision, on voit les goyes qui discutent de profil, les uns en face des autres. Et qui est au centre ? La juive Rutel Krief, derrière son pupitre, qui trône triomphante pour BFM Drahi. Donc, ouais, si les gens ne savent pas décoder les symboles, pour ceux qui ont fait un petit peu de, qui sont un petit peu spécialisés dans l'image, dans la peinture, etc. Hein, il y a des codes comme ça. C'est jamais fait par hasard. Les mises en scène sont très étudiées, surtout à la télévision. C'est leur boulot. Hein. Et croyez-moi bien qu'il y a des messages qui sont passés. Et la réaction de Xavier Mathieu, aussi gauchiste soit-il par ailleurs, hein, peu importe ses convictions personnelles, mais là, il a eu un réflexe simplement de bon sens, quoi, du goy en fait. Il a dit vous êtes méprisable. Et méprisante. Et là, et c'est marrant parce que ces juifs, en fait, contrairement à une idée reçue où les gens se disent ces gens sont extrêmement puissants, extrêmement sûrs d'eux, c'est faux. Il n'y a pas plus craintif que le juif. Le juif est extrêmement craintif parce qu'il sait toujours sa position précaire. Et quand vous le prenez comme ça directement, en lui disant « Mais toi, t'es qui, toi ?» Vous allez voir à quelle vitesse il se décompose. Parce que tout repose sur l'artifice, la mise en scène, d'avoir préparé le terrain en amont, d'avoir travaillé psychologiquement la victime, etc. C'est un long et patient travail. Mais quand tout d'un coup vous arrivez simplement, sans prévenir, quoi, hein, vous donnez un coup, vous serez étonné de voir comment le juif tout d'un coup se décompose, se met à gigoter, ne sait plus comment se tenir, s'il doit être arrogant, s'il doit être mielleux. Voilà. Et la rue Tel-Krief, en fait, bah, elle a été parfaite, parfaite de fiel hébraïque. C'est exactement moi ce que j'attendais d'elle, c'est qu'elle était parfaite, elle n'a pas pu se défendre, parce qu'il lui a balancé un truc en fait qui est irréprochable. Parce qu'il a dit, vous avez un mépris de classe. Bon, évidemment, c'est pas ça dont il s'agit, c'est un mépris de race. C'est-à-dire que c'est le mépris de la vieille youpine à l'égard, à l'endroit de la plèbe gauloise ou arienne. Voilà, c'est la masse des goyes, des blancs stupides. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Donc c'est pas du mépris de classe, c'est du mépris tribal, c'est du mépris racial. Mais il peut pas le dire. Et surtout, il l'a même pas conceptualisé. Donc lui, il a vu ça comme un mépris de classe. Mais en le disant comme ça, ça a fait mouche. Ça a fait mouche. Et j'ai trouvé ça être très très bon. Et ça résume en fait tout ce qui se passe. Ça résume tout ce qui se passe. Je trouve que cette émission résume tout ce qui se passe. Vraiment. Vraiment. Peut-être que quelqu'un l'a regardé parmi vous. Moi non, moi je me regarde pas BFM, j'ai regardé quelques extraits comme ça, mais sinon moi je peux pas. Hein. Bah, d'ailleurs, elle a rien que sa voix de Rutel Krief, j'ai les oreilles qui saignent, hein. Je peux vraiment pas, je sais pas si vous la regardez, mais... Ouf. Des envies de Pologne, hein. Des envies de Pologne, vous le dites. Non ? Non, bah, pareil, j'ai regardé les extraits, je regarde quand même de temps en temps BFM pour me motiver, hein, à voir leur gueule de... Oui, pour savoir quand tu as des moments de doute. Tu dis, pourquoi je suis nazi en fait ? Je suis bien sûr. Là, tu voilà. Regardes FM TV. Ouais, d'accord. Flamme, okay, ouais. Là, tu sais. Ouais. Ah oui, tiens. Ah, j'avais oublié. Hein, oui, ouais. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous avez remarqué que, donc, parce que cette semaine, avant la manifestation du 8, il y a eu l'idée de démobiliser les gens. Vous avez observé ça ? Oui, oui. Bah, y a de moins en moins de monde, ils sont plus que 10 000, ça c'est Castaner qui l'a dit, et puis c'est inacceptable, la violence. Bon, ça c'est un refrain déjà qu'il y a deux semaines déjà, le coup de la violence. Ça. Mais cette semaine, ils ont sorti le hashtag Stop Violence, vous l'avez vu ça ? Oui, ils ont sorti. Oui, le hashtag Stop, bon, un truc à bateau, quoi, mais c'est surtout qu'ils ont. Il faut parler de l'épisode du début de semaine, ce qui s'est passé avec le. Entre la communication du Premier ministre et du président. Oui, reviens là-dessus, oui. Ouais, c'est-à-dire que tu as eu Philippe qui a dit oui, donc il est allé à l'Assemblée devant les députés, à dire oui, bon, on suspend, machin, on verra dans 6 mois. Six mois. Ouais. Et là-dessus, tu as donc communication de l'Élysée, mais pas de Macron directement, qui dit ouais, non, mais il dit de la merde, en fait, on arrête tout, quoi. Le truc de 2019, là, c'est annulé, voilà, c'est annulé. Donc, déjà, les deux, donc, ça ne savent plus, n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut dire. Donc, c'est signe que, bon, la mobilisation baisse, ils sont 10 000, 13 000 sur toute la France, bon, lol, quoi, hein, tu fais pas de la marche arrière comme ça, en mode de paniquer, si tu n'as pas quelque chose en face et qui pour le moins te terrifie, hein, voilà. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une chose, effectivement. En précisant que Macron est allé visiter la préfecture du Puy-en-Velay qui a été incendiée. Oui. Oui, il y a eu des affaires au meurtre de gens qui étaient sur place. Les gens voulaient le tuer. Ouais, clairement. Et j'ai vu les gens, moi j'ai vu les réactions des gens, etc. S'ils avaient pu mettre la main sur ce mec-là, Macron était mort. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est clair. Hein. Il y a clairement en France une envie de lynchage de Macron. C'est pas bah oui, une exagération. Ce que cette immonde fiotte arrogante n'a pas compris, c'est que les gens n'acceptent pas qu'il soit une immonde fiotte arrogante. Ça a commencé. On revient un petit peu au niveau de l'été avec l'épisode Benalla, hein, où il a fait le beau en mode s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir me chercher, tu vois. Bon, à parler comme Tony Montana, c'est une chose à faire quand on est président de la République, enfin, en tout cas, chef de l'État. Puis après, là, par cette histoire de gilet jaune, l'affaire du porte-avions, hein, je vais sur le porte-avions, je vais vous parler. Oui, t'as raison de dire ça. C'est-à-dire qu'il a commencé, en fait, il avait bien senti qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'il a entamé, le début de ce mouvement depuis son porte-avions. T'as vraiment raison de le rappeler. Parce que bon, il aurait pu dire un truc. Là, en fait, il a annulé les trucs de ce pourquoi les gens ont fait les manifs. Hein. Donc les augmentations. Il faut aussi parler de l'histoire du contrôle technique. Hein. Les gens qui ont des vieilles tirs, notamment dans les campagnes, mais pas que, je suis bien passé pour le savoir, les mesures du contrôle technique allaient passer, c'est-à-dire qu'en gros, tes bagnoles, tu peux plus rouler avec, il faut que tu achètes des bagnoles neuves, enfin, c'est des trucs à plusieurs milliers d'euros. Quoi. Donc les gens, ils ont commencé à péter les plombs. Donc ça, c'est annulé. Mais voilà, s'il avait fait, donc, là, il y a 3 semaines, quand il est allé sur son porte-avions, il dit, le droit dans mes bottes, on y va, voilà, transition écologique, etc., etc. Et après, chaque fois, pendant toutes les manifs qu'il y avait sur Paris, le type était à l'étranger. Hein, oui. En Allemagne, en Argentine, etc. Il aurait pu envoyer le Premier ministre. Hein. C'est lui se barrer. Voilà. Voilà, les goy, là. Non, mais tu sens que le type n'est pas très sûr de ce qui va se passer. Hein, il n'est pas très sûr, et puis en même temps, il méprise. Quoi. Il vient me chercher, ben, oui. Je m'en vais. Quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Il avait dit qu'il vienne me chercher, et quand les gens viennent, bah, ils se barrent. Donc les gens n'aiment pas ça. Hein, ces annonces qui ont été faites déjà dans la difficulté entre le gouvernement et la communication, les services de l'Élysée, hein, c'est même pas lui, ça passe pas. Il voit que les gens il voit qu'il prend les gens pour des cons. Hein, et donc, bon. Oui, c'est ça. C'est ce que tu veux dire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y aurait une crise grave de toute façon. Mais bon, le point de départ, c'est finalement une mesure qui est une mesure de détail, qui aurait pu être réglée en l'abandonnant, en disant, voilà, bon, effectivement, c'est pas forcément bienvenu. Mais ouais, même, ils auraient même plus temporisé. Ils auraient même sans l'annuler au départ. Oui. Oui, on va réfléchir six à mois, ça. Six mois. Avant qu'il y ait les manifs, ils auraient pu faire le comité de ci, de là, on va mettre des juifs qui discutent pour dire que finalement on fait pareil. Ouais. Tu vois. Mais bah là, ça passe plus, quoi, parce que le type a été méprisant au possible et a tout fait de travers. Et qui se dégonfle pas, parce qu'il n'a pas changé de ligne. Observez bien. Oui. Oui. Là, le truc. Regardez bien. J'ai entendu les derniers propos, mais on va développer ça après. Mais dans la presse, là, les petits bruissements qu'il organise, c'était des conneries. Là, il veut se dégonfler lundi soir. Oui. Mais pas se dégonfler, en fait. Il veut dire les 80 km/h, c'était une connerie. Là-haut, sur les APL, c'est pas bien. Mais en fait, il veut pas dire c'est ma connerie. C'est les conneries d'Edouard Philippe. Ah ! Oui ? Oui, oui. Bah, il aurait qualifié Edouard Philippe de branleur, d'ailleurs. Hein, donc, oui, parce que ce qui est certainement vrai, d'ailleurs. C'est assez drôle. Oui, oui, bah, c'est ça, mais lui aussi. Mais c'est pas forcément faux. Mais, comment... Donc, il veut, en fait, le plan de la stratégie. Donc, Philippe va dégager, c'est garanti. C'est-à-dire que c'est la stratégie. Bon, c'est pas de lui. Sous la 5ème République, quand le président est en difficulté, c'est le Premier ministre qui tend. Sauf que là, c'est pas comme Rocard sous Mitterrand, quoi. Je veux dire, Philippe, il a aucune marge de manœuvre en politique. Il est venu avec sa truc, c'est 80 km/h. Mais en fait, pourquoi ? Bah, c'est parce qu'on lui a dit. Enfin, au niveau de l'État aujourd'hui, enfin, la seule thématique, c'est comment on lève plus de taxes. C'est ça, en fait, la seule politique en France, c'est comment on lève plus de taxes. Ouais, non, faire rentrer du pognon sans faire de taxes. Parce que si tu fais des taxes, tu vois, c'est mal vu. Donc, du coup, on fait chier. Ah non, non, je t'assure qu'ils multiplient les taxes. Hein. Par contre, c'est des taxes invraisemblables. Il y en a toute une. Oui, mais ça s'appelle pas taxes, tu vois. Diminuer la vitesse sur les routes et mettre des radars, c'est pas des taxes, tu vois. Tu as tout à fait raison. C'est du truc d'enculé de politique. Tu vas dire non, je n'ai pas voté des taxes et il y a plus de pognon qui est rentré. Vous voyez, je suis un excellent dirigeant politique. Alors, tu as tout à fait raison. Et en fait, Edouard Philippe, c'était son idée. Il disait, voilà, on va faire ça. On va gratter, je ne sais pas combien il comptait gratter, etc. pour des budgets à l'équipe, parce que ça, c'est vraiment des calculs d'épicier, quoi. Et là, son plan de com, lundi soir, parce qu'il doit prendre la parole dans lundi soir, parce qu'ils attendaient d'avoir le dénouement de samedi. Je pense qu'ils... Bon, je ne vais pas épiloguer, mais bon, il prend la parole et il va dire... Ah oui, il y a eu un problème d'échange avec les Français, j'en ai bien conscience. Et il va dire, mais vous savez, je suis encore assez jeune et la fonction, je ne suis pas encore. Il va plaider la jeunesse, le manque d'expérience, etc. Il va concéder un petit truc, mais il va dire, mais c'est surtout que je suis entouré par des cons quand même. Il faut que vous ayez conscience de ça. Et s'il n'y avait pas tous ces connards autour de moi là pour m'empêcher d'aller où je veux aller, vous croyez pas que ça fonctionnerait mieux quand même? C'est ça son plan, c'est-à-dire qu'il va jeter des gens sous le train. Le premier mec qui va jeter sous le train, c'est Edouard Philippe. Il va dire, mais regardez-moi, vous avez vu avec quoi je suis flanqué, moi, regardez ce con, d'abord il vient des Républicains. Ah, vous avez vu, vous êtes en train de tous gueuler les mecs des Républicains, là, bah regardez-moi ce qu'ils m'envoient, j'essaye d'être de... Ouais, je tends la main, je prends des mecs de chez eux, regardez ce qu'ils m'envoient, des tocards pareils, et bah ça m'apprendra à être trop bon. Il va nous faire un numéro comme ça. Et il se dit... C'est une des rares issues qu'il a, effectivement. Ah, il va nous faire le grand numéro. Il nous parlait de la lèpre nationaliste, mais lui, il a aussi une forme de maladie, quoi, ce péché d'orgueil. Parce qu'il déteste le peuple, mais le peuple, on sait qu'il y a des défauts, bien sûr. Chacun a des défauts. Bon, on caricature parfois les beaufs, etc. Il y a une part de réalité là-dedans. Les gens du peuple, c'est les gens qui ont des savoirs. Le savoir dans l'artisanat, il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent, qui élèvent leurs enfants dans des situations difficiles. Et lui, en fait, il est totalement inconscient de ça, et à 40 ans, ben maintenant, c'est trop tard, il comprendra jamais. Lui, il se croit supérieur, et il mourra comme ça. Donc, à partir de là, j'ai compris Trump aussi, il avait dit, moi, je vous aime, je vous laisserai jamais tomber, même des gens les plus modestes. Et Macron, lui, il est dans l'impasse, parce que, de toute façon, il pourra jamais apparaître désormais comme quelqu'un de sympathique. Il a essayé d'apparaître comme le type très brillant, qui présente bien, etc. Mais tout ça, très intelligent, mais tout ça maintenant, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, tu parles de maladie, mais je crois que sa maladie, c'est Gilles de la Tourette. Hein. Parce que quand je vois les bourdes de com qu'il fait, où il insulte les gens, enfin bon, c'est catastrophique. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont restés, enfin, qui ont marqué. Vous pouvez les citer là ? Les gens qui sont rien, ça m'avait frappé ça. Oui, les gens dans le métro, oui. Dans une gare, on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Non, et puis il y a les Gaulois, terrible, les Gaulois réfractaires au changement. Ça vous parle, ça, la mafia bretonne. Ouais, mais y a, enfin, les Gaulois réfractaires, ça sonne. Moi, il y a un écho de synagogue derrière, vous voyez, c'est. Oui, oh, c'est ça, hein. Comte gaulois, là, quand même. C'est. Oh là là là, je suis pub. Qu'est-ce que je fous avec des gens pareils. Oui, il y a ce côté, voilà. Ouais. Mafia bretonne, ouais. C'est typique des gens aussi qui n'ont jamais travaillé manuellement. Quand vous faites, par exemple, une saison comme les vendanges ou autre, vous êtes en contact avec des gens qui ont un vécu, qui sont en général qui ont pas mal galéré, qui ont bourlingué. Vous confrontez au travail viticole, enfin justement au savoir-faire local, etc. Donc c'est quelque part c'est une leçon d'humilité. Puis on voit que lui, l'humilité, c'est un mot qu'il ne connaît pas. Ouais. Ouais. Il y a eu les termes de cynique, fainéant, extrême. Il est très, je l'ai dit aussi. Il est très. Alors le truc, c'est alors il avait parlé des employés de GAD en Bretagne en disant que c'est les illettrés. C'est vrai que les filles ont des problèmes comme ça. C'est un fait. Il suffit d'aller sur Internet pour voir que les gens ont des problèmes pour écrire. Simplement, il ne faut pas dire ça comme ça. Il ne faut même pas le dire, en fait. Parce que les gens, ils sont blessés dans leur dignité. Les gens savent que c'est vrai. Les gens savent que les ouvriers à la chaîne, etc., ils sont bon, déjà, une partie, c'est de l'enseignement. Parce que quand on voit ce qu'ils nous foutent comme enseignants aujourd'hui, hein, des branleurs gauchistes, pas possible, il y a peut-être une explication. Mais c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est une réalité de classe. Et quand on dit ça... Quand on dit des gens illettrés, vous voyez. Mais le pire, vous voyez, il n'a pas dit pour être méchant. Vous comprenez ça? Et c'est pire. Parce que s'il avait dit, ouais, mais vous avez vu ces illettrés là. Bon. Moi, j'aime bien le terme qui est employé. Je te coupe, désolé, mais tant que j'y pense, tu as parlé de dignité et non pas d'orgueil. Et en fait, on a aussi une. Tu parles de mépris de classe, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a un mec complètement orgueilleux, qui est condescendant et qui méprise en fait le peuple dans ce qu'il a de beau et de bon, en fait. Le peuple ne demande pas grand-chose, finalement. Il demande juste qu'on ne lui chie pas trop dans les bottes et avoir de quoi élever des enfants correctement, dignement. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il te prend de haut, il te chie à la gueule et il ne le comprend même pas. C'est un autiste. Ben, ouais, il est en milieu fermé et quand il dit ça, il est très... Le mec, il se dit, bah, je ne comprends pas pourquoi ils sont énervés. Oui, c'est ça le truc. Et il y a un tel fossé que. Et moi, je vois les ouvriers. Enfin, les ouvriers de gage, je vois, parce que moi, j'ai tellement de copains qui sont ouvriers, etc. Je sais très bien que des fois, les mecs vont faire des fautes. Il y en a aussi qui font jamais de fautes. D'accord. Et il y a des gens, ils sortent des universités, je peux vous dire, c'est illisible, hein, la façon dont ils écrivent. Donc, c'est pas aussi homogène. Mais. La bonhomie avec laquelle il avait sorti ça, déjà c'était un putain de gros drapeau rouge ça. Et je parle de drapeau rouge sans faire d'humour, mais il y a que l'extrême gauche qui l'a relevé pratiquement, hein. Parce que c'est un petit peu dans leur tradition aussi militante quoi, de voir des ouvriers se faire insulter comme ça. Et puis surtout ça avait rien à faire là quoi. Et rappelez-vous qu'il y avait Ferrand dans l'affaire. Ferrand avait sorti un truc comme ça, du même genre. Comment on fait pour recruter des jeunes qui sont capables de rien foutre, un truc comme ça. Il avait sorti comme ça. Il vient du centre Finistère, Ferrand. Mais en fait, c'est un mec qui est un parachuté, Ferrand. Il a été au Crédit Mutuel, etc. Enfin, c'est les apparatchiks du système, parce que eux, ils font des alertes. Ils faisaient, parce que La République En Marche, c'est un ectoplasme. Ça n'existe pas. Des gens qui sont recyclés des anciens partis, et essentiellement du Parti Socialiste. Ce sont tous les véreux opportunistes du Parti Socialiste, plus quelques républicains, quelques centristes, qui ont été rameutés là, ne l'oubliez pas, et quelques nouveaux venus des pièces rapportées, quoi. Ces types-là, comme Ferrand, sont des vieux briscards du PS. Donc les types étaient dans des organismes, comment dirais-je, parapublics et autres, connaissant toutes les ficelles, se faisant domicilier ici et là pour être aux élections. Moi, j'ai tout son dossier à faire, hein, c'est pas possible, un truc comme ça. Pillant toutes les caisses à la première opportunité. Les mecs se font bombarder en politique très très vite, parce qu'en fait, Macron, et ça c'est le petit coup d'intelligence politique qu'il a eu, il a compris que les gens avaient marre du clivage droite-gauche, dans lequel on est maintenant avec les Gilets jaunes. Les gens avaient plein le cul de ça. Ils voulaient des gens neufs. Sauf que les gens, bah, ils sont naïfs, et puis ils sont pas trop regardants. Donc ils se sont dit, ils ont vu celui-là sortir de nulle part en se disant « Ouais, peut-être qu'après tout, il est neuf. » Non, il y avait les grosses puissances d'argent, il y avait les grands journaux, etc. Mais comme ils n'ont pas vu de parti organisé derrière, et comme ils étaient encore très focalisés sur Hollande, ils se sont dit « Ouais, après tout, on n'a qu'à miser sur le jeune, là. » Il en a beaucoup joué, d'ailleurs. Sauf qu'ils n'ont pas vu tous les types que l'autre a ramenés. qui étaient tous les anciens du PS, qui étaient des types avec des casseroles pas possibles, et qui ont un mépris de classe. Mais un mépris, c'est drôle, parce qu'ils se disent socialistes. Alors, quand on connaît les racines du socialisme, je veux dire, il y a plus d'un siècle, quand on regarde ce que c'est maintenant, c'est effrayant, quoi. Sans être socialiste moi-même, quoi. Mais putain, tu vois ça, tu tombes de ta chaise. Et maintenant, les gens découvrent, merde, mais en fait, c'était pourri intégraux, ils nous crachent à la gueule, ils en sont contents. Et voilà, et on y est. Hein. Pas du PS, ils captent c'est, pas. Hein. Pas les Républicains, comme Bruno Le Maire, par exemple, qui avait d'ailleurs abondamment critiqué Macron dans le cadre de la campagne, il avait dit que Macron n'avait pas de conviction. Et Bruno Le Maire, c'est typique aussi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il voulait parler d'une baisse de 30% de je sais plus quel prix. Et une baisse de 30%, pour lui, ça, il avait exprimé le fait comme quoi c'était divisé par 3. C'est-à-dire qu'il avait confondu, divisé par 3 et baissé de 30%, ce qui est un truc que n'importe quel artisan ne peut pas se permettre de faire cette erreur, parce que s'il la faisait, sa boîte coulerait. Donc, je veux dire, on voit là l'arrogance. Puis même quand il parle de sa vie privée, le maire, il y a des choses. Une fois, il s'en avait frappé, il avait parlé de ses geckos, ses lézards, et puis il avait pensé qu'en fait... ça plairait peut-être trop jeune. Pas, parce que peut-être que beaucoup de gens ont des lézards, quoi. C'est pour montrer à quel point le type est complètement dans sa bulle, et, c'est ridicule. Mais c'est, le truc, c'est pas nouveau tout ce qu'on voit, hein, parce que ça fait des décennies, mais en fait, comme là on va rentrer dans du dur économiquement, et pas pour un an, hein, c'est pas une récession vers quoi on va là, hein. Et ça fait plusieurs années qu'on en parle déjà, en fait, ça se durcit. Les gens tolèrent plus toutes ces conneries. Les gens le savaient, mais ils le toléraient. On tolérait sous Chirac, on tolérait sous Mitterrand, etc. Parce qu'il y avait de l'affluence au plan financier. Maintenant, les gens voient que l'entonnoir, il se réduit. Année après année, pratiquement mois après mois. Et là, les gens deviennent beaucoup plus regardants. Ils disent, ouais, mais là quand même... S'ils n'arrivent plus à boucler les mois, et qu'ils voient qu'en fait, en haut, c'est toujours la nouba, là, les types deviennent hyper irascibles. Et les autres se sont dit, ouais, on a toujours piqué dans la caisse, je vois pas pourquoi ça commencerait à gueuler maintenant, quoi. Ça faisait 50 ans qu'ils piquaient dans la caisse, ils se sont dit, il y aura jamais de problème. Il se passera jamais rien. On tient tout, on tient les médias, on tient les partis, on tient la police, on tient la justice. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Ouais, de temps en temps, il y a un mec qui se fait poisser, bon. Et là, bang! Et tous pour eux, je vous assure, ce mouvement, c'est pour eux, c'est... C'est un énorme choc, hein. Plus que le 21 avril 2002, hein. Beaucoup plus. Hein. Pour Il n'y a pas que ça dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a une baisse quand même dans la qualité des élites. Il y a des bourdes de langage, on en a donné quelques-unes, qui auraient pour moi n'ont pas été faites sous Sarkozy, ni même sous Hollande. On dit, les Grecs, les anciens Grecs disaient, quand ils veulent perdre un peuple, quand les dieux veulent perdre un peuple, ils rendent les élites folles. Et là, j'ai l'impression qu'ils commencent vraiment à péter un câble, parce que parler comme ils le font, c'est vraiment, ils sont en train d'en faire enrager les gens, et je ne suis pas étonné qu'il y ait eu déjà des gens qui ont appelé à tuer Macron. Hein. Et c'est pas étonnant. Je crois qu'on peut remercier l'incompétence crasse de Castaner. Hein. Celui-là, alors, c'est un joyau. Hein. Ah, c'est un concours, hein, c'est un concours. Je veux dire, vous voyez, ils envoient une députée La République En Marche devant deux gilets jaunes, et la meuf est même pas capable de connaître le montant du SMIC net mensuel. Bon, c'est comme la, ça. La meuf qui est juive. Hein. Oui. J'allais le dire. Ouais, mais même les assistants parlementaires. Je parlais une fois avec un assistant parlementaire, pas avec ce député, mais La République En Marche, hein, le, c'était d'une faiblesse, c'était fascinant. Quoi. Le type, C'est bien que vous en parliez, parce que dans le truc Stop Violence, à la veille du 8 décembre, tous ces députés à la con que Macron a sorti de sa poche, parce qu'on sait que c'est un parti de Gothio, de toute façon les mecs réfléchissent pas, ils sont payés pour ça, tout est décidé à l'Elysée, ou bien dans la technocratie, dans les grands ministères. Mais ça fait illusion. Et ils ont sorti tous leurs députés, vous avez vu, pour dire non à la violence. Enfin, ils ont sorti le baratin, quoi. Et tous les députés, ils ont fait une prise de parole, vous voyez, en plan rapproché, qu'ils ont mis sur Twitter. Et là, tu vois ce que c'est un député La République En Marche. tu le vois presque à nu, quoi. Et tu vois qu'il y a un maximum de bobonnes dont on ne sait pas d'où elles sortent. T'as des types, niveau virilité, je veux dire. Oh putain, oui. Alors, voilà. Il y a le type, le nouveau chef d'en marche, Stanislas Guérini. Oh là là là là là là, mes aïeux, c'est quelque chose. Il y a un machin, il a une tignasse rouquine blonde, je sais pas ce qu'il sait, il a un balai à chiottes sur la tête, des lunettes. C'est même pas humain, il y a des trucs comme ça. Et il y avait la Laetitia Avia qui a pris la parole, mais c'est une espèce de face. Mais c'est, je sais même pas exagérer, c'est la pub pour Banania qui te parle, quoi. Et tout le refrain, les mots creux, quoi. Le vivre ensemble, le truc. Et ça, c'était une expérience, c'est traumatisant. Vous êtes sur Twitter, et putain, vous prenez ce truc en pleine face, et les types vous disent. Et en fait, ce que ça traduit, c'est la trouille. Et là, je vous pose la question. Moi, je suis désolé, mais là, il y a une démonstration. Ils aiment la pédagogie. Ils parlent de dire le peuple est trop con. Il a besoin de pédagogie. Alors, s'il y a vraiment une leçon à retenir de ce qui se passe, c'est à quel point la violence peut avoir des vertus. Parce que tout d'un coup, toutes ces sous-merdes qui enculent le peuple à longueur de temps avec toute la machinerie politico-médiatique, là, ils sont revenus au rapport de force direct. Et la seule perspective de voir des mecs arriver sur Paris pour physiquement en découdre, et soyons clairs, à la première opportunité d'attraper un de ces députés et de le lyncher, ça les a enfin, c'est comme un retour sur Terre, quoi, pour eux, quoi. C'est flagrant. Je sais pas si vous avez vécu ça, et toute cette séquence qu'on voit là, mais la violence du peuple a cette faculté de ramener toute cette clique au niveau de la mer, quoi. Voilà. Ils oui, sont, ça, ils ça, sont ça, enfin, remet, ça, ça remet les choses un petit peu à leur place. En ce sens que tu n'entends plus parler depuis quelques semaines de théorie du genre, de sexualité, de ci, de là, des transsexuels et compagnie. Tout ça n'existe pas hein, dans un monde où tu as des gens qui montent, qui font des blocages et compagnie. Les travelots, c'est du truc de parisien, quoi, hein, c'est ça. Hein. Oui, et encore de certaines sections de la population parisienne. En plus, oui, oui, oui. En plus. Non, il y a ce retour de. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est le retour du peuple. Le retour du prolétariat, le retour des employés, des ouvriers, des gens normaux, quoi. Et je trouve ça c'est déjà excellent. Quoi. Ça, ils sont mal à l'aise. Alors, t'as dit les conneries sur les conneries juives, quoi. Hein, voilà, les transsexuels, ça c'est des. J'ai un peu envie de dire là l'écologie, c'est un petit peu compliqué quand même. Honnêtement, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe. L'escroquerie pseudo-écologique, là, il n'y a plus un politicien qui va vouloir vendre ce truc. Enfin, je sais pas, ou alors ils sont suicidaires, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous croyez qu'il y a encore un mec qui va arriver et dire « Les gars, je vais vous lever vos impôts pour faire baisser les émissions de carbone. » Vous croyez que ça va encore ouais, exister, ça? Moi, franchement, ils vont essayer, tu vois, ils vont présenter ça d'une manière un petit peu plus belle, on va dire, ouais. Moins brut. Alors c'est marrant parce que bon, c'est vrai que juste Nicolas Hulot est parti il y a quelques mois parce que tu vois, il y avait pas assez, il y avait pas assez justement de trucs qui allaient dans ce sens-là quoi. Ça serait passé plus facilement s'il y avait Hulot. Hulot, c'est le type qui était bien placé au niveau de la sympathie par rapport au reportage qu'il faisait sur Ushuaïa, sur TF1 à l'époque. Voilà. Type connu, mais bon, là, il était connu, ouais. Ouais, c'est ça. Tu veux dire, là, je sais pas comment ça va se passer, mais. Ouais. Mais c'est vrai, alors, cette histoire de réchauffement climatique, on peut s'arrêter dessus un petit moment, peut-être, mais la manière dont ça nous est présenté, c'est religieux, le truc, hein. C'est-à-dire que si tu remets en cause leur dogme. Le dogme. Tu as affaire à des véritables fous de Dieu en face. Hein. C'est très sectaire et très, très totalitaire. Bah, c'est-à-dire que personne ne s'est même intéressé. Je suis désolé, il n'y a pas de consensus sur la question. On adopte des politiques, enfin en fait on adopte des taxes pour lutter contre quelque chose sur lesquels les gens ne se sont pas exprimés. À savoir le réchauffement climatique, d'origine humaine, etc. Et j'ai bien aimé la position de Trump. On peut peut-être s'arrêter là-dessus. Attendez, je vais quand même la citer. Parce qu'en fait, il a assassiné cette histoire de réchauffement climatique en s'en prenant à Macron. Alors attendez. Que je mette la main là-dessus. L'accord de Paris sur le climat ne marche pas si bien pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France. Les gens ne veulent pas payer d'énormes sommes d'argent, la plus grande partie pour des pays du tiers-monde qui sont gérés de manière douteuse, pour peut-être ensuite protéger l'environnement. Ils chantent « Nous voulons Trump ». J'aime la France. Alors, je ne sais pas si des gens ont chanté Nous voulons Trump, peut-être un petit groupe de pro-Trump dont j'ai vu quelques photos, mais les foules ne scandent pas Nous voulons Trump, ça c'est sûr. En revanche, il a dit, bon, les gens veulent pas raquer pitot et des nègres, enfin plus évidemment oui. Pour la température ambiante au Congo. Hein. Ça c'est clair que, bon, il a touché le point sensible. C'est bizarre, c'est ce qu'on dit nous, tu vois, c'est-à-dire que quand on nous pique des ronds, c'est pour nourrir des nègres. Tiens. Voilà. Non mais ce qui est vrai, c'est l'accord de Paris, c'est ça. C'est on va vous prendre du pognon parce que peut-être en vous prenant du pognon, ça va faire baisser la température au Congo. voilà. Et nous, enfin le bon sens populaire dit peut-être, mais non, pas avec mon blé. Tiens, puisqu'on est là-dessus, je vais me faire un petit aparté. Là. On parlait des journalistes tout à l'heure, du communiste de la Voix du Nord. Oui. Et là tu parles de Trump, ça m'est fait penser cette semaine il y a eu un envoyé spécial sur je crois que c'est un envoyé spécial hein, sur France 2 où c'était sur les feux de forêt qu'il y a eu en Californie où t'as des gens qui ont rôti, ouais. Voilà. Et le journaliste français il va voir un type qui a perdu sa bagnole, sa maison et compagnie et il va lui dire ouais mais alors vous avez eu des incendies tout ça alors, et le avec votre président Donald Trump qui nie le réchauffement climatique, est-ce que vous pensez pas que c'est tout ça, que c'est quand même c'est un peu la faute à Donald Trump, tu vois? Journaliste français qui dit ça, qui pose la question à l'américain, quoi. Et bon, il manque de bol pour lui, il est tombé sur l'américain qui dit non, mais Donald Trump, par exemple, tout ça, c'est des conneries, ce truc-là. Hein. Non, alors, on a tué des gens dans l'histoire pour beaucoup moins que ça. Hein. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. D'ailleurs, en France, on tue pour des cigarettes, vous le savez, ça. Donc, les bougnoules. Oui, voilà. Donc, moi, je sais pas, je vois un journaliste français qui vient vers moi. C'est quand même un peu de la faute de Trump. Alors, tu sais, le gros journaliste gauchiste, c'est quand même un peu de la faute de Trump, non? Si ta bagnole et ta baraque ont cramé, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Le type, je veux dire, il n'y a pas que ma maison et ma bagnole qui vont cramer dans cette affaire, tu vois. Je sais pas. Franchement. Je pense que c'était un petit peu ce qu'il y avait dans sa tête. Le journaliste n'a pas dû s'attarder par la suite. Bah, c'est pas étonnant et je sais même pas comment il y a encore des journalistes français sur cette planète, en fait. C'est un peu le mystère. Parce qu'il y a encore des juifs. Oui, oui. Ils peuvent toujours plaider l'antisémitisme, effectivement. Bon. J'ai envie quand même de parler de ça aussi. Les réactions des politiques, enfin pas des politiciens du système, au sens des partis du système de gouvernement, mais il y a eu Mélenchon et Marine Le Pen. Et en fait, l'extrême gauche et l'extrême droite, entre guillemets. Alors Mélenchon, il a une attitude qui est une attitude vraiment politique. C'est-à-dire que le type n'a pas embrassé en fait le mouvement des Gilets jaunes dans sa partie émeutière. Il a dit « Ouais, je soutiens les Gilets jaunes et tout, bravo, super ». Il a vraiment essayé de récupérer, il a envoyé ses mecs et tout, enfin, l'opportuniste à fond, etc. Mais pas l'opportuniste juste pour dire ensuite, poser devant les caméras « Ouais, c'est notre mouvement ». Il y a aussi quand même la volonté de déstabiliser le régime. Voici ce qu'il a déclaré à BFM TV. Il a dit « Je n'ai pas à appeler au calme. Les gens sont grands, ils sont responsables, ils n'ont pas besoin qu'on les appelle au calme. Je ne veux pas faire ce genre de paternalisme. » Donc c'est le mec, si vous avez envie de tout péter dans les rues de Paris, moi, j'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à le faire. Ça, c'est le type d'ambiguïté qu'on attend de la part d'un politicien. Qui veut changer la donne, en quelque sorte. D'accord ? Réaction de Marine Le Pen, beaucoup plus longue. Marine Le Pen affirme vendredi son attachement à la Ve République et à la fonction présidentielle, en insistant pour une sortie de crise politique à la veille d'une journée à haut risque de mobilisation des Gilets jaunes. Si le droit de critiquer nos institutions relève de la démocratie, la remise en cause de nos institutions, y compris avec une prétendue Sixième République, me paraît totalement malvenue. Écrit dans une lettre ouverte, la présidente du Rassemblement National dans l'électorat est un fort soutien des Gilets jaunes. Donc, elle sabote le truc, tu vois. C'est extraordinaire. Les imprécations, ouais bon, je passe le détail, etc. Sur le fond, bon, bref, on s'en fout. Oui, si, je souligne ça quand même. Sur le fond, dans les moments qui engagent la paix civile, il m'apparaît au contraire utile de réaffirmer notre attachement à la République, à ses valeurs et tout particulièrement au régime politique dont le général de Gaulle nous a fait les héritiers. Non mais, bon, excusez-moi, il faut que j'aille vomir, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Porovitch, je prends tout de suite là. Réagis sur... Enfin, sur... Hey. Je sais pas, là, si je parle, on va être obligé de censurer. on censurera, et puis c'est tout. Hein. Mais il faut réagir. Je suis d'avis d'emmener toute la famille Le Pen et d'essayer de les perdre dans une forêt, je sais pas, une montagne, une jungle. Et voilà, faut se débarrasser de ces gens-là, parce que c'est catastrophique, quoi. Elle est là, elle a un mouvement populaire qui lui tend les bras et voilà. Elle n'en profite pas. Cette bonne femme, voilà, elle croit intelligent de profiter de l'opportunité qu'offrent les Gilets jaunes pour s'offrir une respectabilité républicaine. Ils veulent manger quoi. Cette gourde n'a pas compris que la respectabilité républicaine, ça n'est pas elle qui va se l'accorder. Hein. C'est pas elle qui décide. C'est comme l'antisémitisme. C'est pareil, c'est pas toi qui décide. Bah c'est pareil, mais c'est parce que c'est même. Oui, c'est les mêmes qui décident. Pareil. Hein. Ouais, il faut noter aussi, c'est la nièce donc Marion et puis Jean-Marie, l'ancien. Ont répondu complètement différemment. Enfin, Le Pen a dit du mouvement des Gilets jaunes que ça ressemblait pas mal au mouvement de Johnny Hallyday. Entendu, c'est des Français de la province blancs. Ah non, il a pas dit que ça. Hein. Il a pas dit que ça, mais il a dit notamment ça. Puis à propos des violences, en fait, il a pas condamné. Il a dit, il devra se passer ce qui se passera. C'est la conséquence du mouvement. Enfin, il n'a pas fait d'appel au calme particulier ou d'appel. Non, mais il a fait son truc. Il a dit, il a dénoncé l'extrême gauche. Moi j'ai vu son message là-dessus. Il y a effectivement la présence de l'extrême gauche, mais c'est-à-dire c'était le vieux refrain de la droite réactionnelle. L'extrême gauche, c'était totalement un contretemps. Bon, je vais pas l'accabler parce que bon, il a quand même l'âge de ses artères, donc il a 90 ans, donc voilà. Mais dans sa prise de parole, il y avait rien de vraiment intéressant. Et alors oui, donc Jeanne d'Arc numéro 3 à Lyon, alias Marion Maréchal Le Pen, ex-Le Pen, puisque maintenant exclusivement Marion Maréchal ayant renié le nom de son grand-père. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle ? Elle a mis un gilet jaune, elle est allée, mais c'était il y a déjà 2 semaines, sur les Champs-Élysées, sans doute sous escorte, mais elle avait enfilé un gilet jaune, elle s'est fait photographier avec ça. Ah voilà, c'est important, la photographie. Oui, ouais. Elle aime bien les faire des photos. Cette intelligence. J'ai surtout une question, c'est ne s'est-elle pas fait enfiler par un gilet jaune ? Bah, je veux dire, c'est. Non. Marion Maréchal, je peux plus. Moi. Mais bon, d'accord. Bon, on va pas faire une thématique sur eux. Mais voilà, c'est. Moi, je suis désolé. D'un côté, il y a des gens politiques dans la gauche radicale. Eux, ils ont pigé, ils agissent rationnellement, etc. Ils sont dans l'ambiguïté. Il y en a un qui... Vous avez remarqué, hein, Ruffin, il a eu des propos beaucoup plus radicaux que Mélenchon. Il a appelé à la révolution, etc. Bon, ils l'ont arrêté. J'aime pas Ruffin, j'aime pas... Ils l'ont arrêté. Ah oui, je savais pas ça. Mais attends, il me semble, attends. Ils l'ont arrêté, d'accord. Et comment dire... après, vous avez le chef du mouvement qui dit « Je ne condamne pas, j'ai pas à condamner. » Il dit pas « Je cautionne. » Il dit « Je condamne pas, j'ai pas à condamner. » Et à côté de ça, t'as la rombière Le Pen qui est là... essaye d'être plus macroniste que Macron en disant oui, moi j'incarne vraiment les trucs. Voilà. Avec tes lunettes, dégage. Bon, Jean-Marie, bon, il n'est pas dans la politique, donc c'est pas important. Et puis, bon, la nièce qui est déjà là, en train de les dents qui raillent le parquet. Enfin, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Le numéro du Pont-Aignan. De toute façon, toute cette droite me fait vomir. Je vous le dis en toute clarté. Les types sont là, les casseurs d'extrême gauche, les casseurs. Oui, il y a des casseurs, il y a des provocateurs. Bah, mon Dieu, c'est nouveau ça qu'il y ait des provocations organisées? Non, bon. Mais ces gens ont l'air de dire, et c'est en ça que moi je vomis la gauche bourgeoise, ont l'air de dire que tu peux avoir la révolution sans la révolution, tu vois. Et tu peux avoir des bouleversements, mais sans jamais une goutte de sueur, sans jamais une goutte de sang, et sans jamais prendre un seul risque, quoi. Vraiment, tu peux... C'est juste avec un petit bulletin dans l'urne, tu vois, hop, pouf, voilà. Tu parles un petit peu à la radio, dans les limites imposées quand même par ceux qui tiennent la radio, quand même. Suivez mon regard, je pense très fortement au grand rabbin Corsia. Et puis comme ça va changer, quoi. Mais par contre, c'est les premiers à récupérer le mouvement. Moi, je vous dis, tous ces politiciens, sans exception aucune, la clique Le Péniste, Dupont-Aignan, mais toute la bande, hein, tous, sans exception, vous pouvez foutre tout ça à la benne à ordures, ça ne vaut strictement rien. Ce sont des gens qui sont là pour tirer les marrons du feu, ils en ont rien à foutre du peuple, ils sont là pour leur gueule. Et c'est pour ça que je trouve que ce mouvement, il est hors digne. Ensuite, politiquement intéressant, c'est qu'il n'a pas de chef, donc il ne peut pas être politisé au sens classique du terme, et donc il peut passer à l'action directe, et ça me plaît beaucoup. Il est authentique. Oui, bah c'est sûr que je partage ton point. Et il faut sans heurts, il n'y aura rien, il n'y aura pas de réaction. On l'a vu pour la manif pour tous. Des manifestations grosso extrêmement pacifiques n'ont apporté rien du tout. Le gouvernement ne s'est pas senti sous pression et n'a pas modifié sa loi. Il ne l'a pas retiré non plus, bien sûr. Cela dit, il me semble quand même que la stratégie... gouvernementaux médiatiques, c'est d'essayer de faire l'amalgame entre l'ensemble des gilets jaunes venus de province, en général des gens d'un certain âge, mais aussi des jeunes, des gens assez paisibles en général, et puis, un ensemble de soit des black blocs d'un côté, soit des racailles de l'autre qui vont profiter des tumultes pour faire main basse sur des téléphones portables. Je pense que le gouvernement, non, mais ça, quand vous écoutez les médias, il y a beaucoup ça quand même, il y a beaucoup des violences à Paris, sous-entendu. Les gilets jaunes seraient tous violents et ouais, mais ils ne le disent pas. Non, ils disent pas ça comme ça. Même les médias, si tu veux, ils disent que bon, voilà, l'après-midi, là, c'est les Arabes et les Noirs qui arrivent. Non, ils disent pas ça comme ça. Et dis-toi bien, il faut vraiment se mettre dans la tête du dernier des cons. Le mec, si on lui dit pas Noir et Arabe, il comprend pas. Oui, c'est pas faux. Oui. Donc, en fait, ils font pour le coup un vrai amalgame. Ils amalgament des casseurs, etc., qui laissent passer, parce que on va citer des témoignages, mais les casseurs, il y a des gens qui sont venus casser dans le centre-ville, ok? Des gens qui sont venus péter des trucs, etc. Okay. Compte tenu des barrages qu'ils avaient mis en place, c'est impossible que les types passent les barrages. Donc, de deux choses l'une, soit les types passent les barrages, soit ils étaient déjà dans des appartements dans le centre-ville, et ça veut dire qu'ils ont forcément des connexions, parce qu'évidemment, ce type d'appartement, c'est pas offert à tout le monde. Bon. Et de toute façon, c'est des bandes importantes. Tout ça pour dire que depuis maintenant deux semaines au moins, le gouvernement, la préfecture de la police de Paris, a ses agents provocateurs en se disant « on va faire ce qu'on fait toujours, quand on a envie de discréditer un mouvement, on fout des casseurs là-dedans, on dit « vous avez vu, ça fout le trouble, ça fout le tumulte, il y a des gens qui sont très respectés, mais il y a quand même des fouteurs de merde, oh là là, c'est quand même un mouvement qui nous fatigue, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Michu ?» Bon. La vieille ficelle éprouvée depuis des décennies et des décennies. Sauf que là, et c'est ça qui inquiète gravement le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas d'épuisement du sentiment populaire. Ça, c'est la terreur des pouvoirs publics. Ouais, c'est-à-dire que Madame Michu, finalement, la violence, bon, ça la dérange pas trop. Quoi. Elle en a rien à foutre. Voilà. Et c'est peut-être pire, parce que c'est une colère profonde dans toute la France. C'est pas juste dans quelques quartiers, dans quelques villes, dans quelques zones. C'est profond. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer. Et ils voient tout d'un coup dans les quartiers bourgeois des gens qui pètent des trucs, des bagnoles, etc. En temps normal, les gens sont choqués, dire mais quand même la propriété privée. Sauf que là, ils disent, ah bah c'est bien fait pour leur gueule, ces enculés de bourgeois. Et sauf que ça se passe dans le 16e arrondissement, etc. chez les gens, les culs en or, avec qui bouffe Macron et toute sa clique, et tous les hauts gradés de la police, de la préfecture. Et là, ça va plus. Parce que ces cons-là, sans le vouloir, ils ont comme amené la population à accepter un psychologique. Oui, la violence, c'est acceptable si c'est ces enculés de puissants qui en prennent plein la gueule. Et le machin se retourne contre eux. Donc il y a bien des provocations, c'est bien fait pour diaboliser le mouvement, pour dire, vous voyez, c'est des mouvements violents, etc. Il y a des gentils gilets jaunes, vous voyez, il y avait les connards de la manif pour tous, ils avaient leur t-shirt rose. Hein, c'est bien ça, ça c'est des bonnes manifs comme la République, elle les adore, hein, on en a rien à foutre. Et à côté de ça, il y aurait les méchants casseurs, sauf qu'en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de distanciation, qu'il n'y a pas d'organisation à pressurer pour... vous avez vu, les quelques représentants, peut-être on peut s'arrêter là-dessus, ils ont essayé de tirer quelques représentants du lot. Oui, les gilets jaunes libres. Mais en fait, mais alors oui, c'est comme l'armée syrienne libre en Libye, choisie par Bernard Lévy, c'est exactement du même niveau. Ils ont présélectionné des gilets jaunes libres pour libérer le mouvement lui-même, sous contrôle juif. Mais ça prend pas, pourquoi ? Non, c'est authentiquement populaire, ça vient de la base, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, pourra peut-être y avoir des leaders plus tard, mais si ce sont des leaders qui émergent, j'aime autant vous dire que ça sera des leaders éprouvés. Des types, ils seront inaccessibles à la corruption, etc. Et le peuple sera tellement derrière eux que le régime ne pourra rien faire. Donc, ils ont essayé leur machin de coopter des mecs, des trucs, des bines. Ils ont regardé sur YouTube, est-ce qu'il y a une voix qui sort plus que... Ça a foiré systématiquement. Et ils voient que le mouvement, il est là. Il est là. Il est présent. Et ça, au niveau des pouvoirs publics, ils disent, putain, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour stopper ça. Parce que, et là, venons-en finalement à la manifestation en elle-même, finalement, hein, voilà, samedi 8, le truc a lieu, bon, ils nous ont vendu Bagdad, hein, ils nous ont dit, voilà, les barbares arrivent, ils vont livrer la ville à sac, c'est des ordures, bon, mais rassurez-vous, on a mis en place un dispositif exceptionnel, la République va être sauve, nous allons sauver la République des fous, des 1 et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, on va s'arrêter sur le dispositif. Parce que les gens se sont dit, merde, c'est un échec. D'accord ? Parce que l'objectif, c'était quoi ? C'était sur les Champs-Élysées, quoi. Champs-Élysées, Élysées, manifester, être présent en force, etc. Hic, de Paris, eux, ils voulaient leur revanche. Parce que c'est de ce niveau-là, hein, c'est du genre Saint-Étienne-Monaco. Hein. Et ils se sont dit, on va leur montrer que c'est nous qui tenons la rue. On est le plus gros gang à Paris. Le plus gros gang, c'est la police. C'est nous qui tenons la rue. Et donc, ils ont complètement changé le dispositif. Mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que leur objectif tactique qui a été de garder le contrôle du centre de la ville de Paris a un coût politique absolument énorme qui, à mon avis, n'en vaut même pas la peine. Parce que pour avoir en fait des images propres des Champs-Élysées, ils ont stoppé dans les gares, sur les autoroutes, à la suite d'une série impressionnante de barrages, tous ceux qui arrivaient. Donc en fait, ils ont littéralement empêché les gens de venir. Non seulement ça, mais dès le vendredi, on a fait des interpellations à domicile de tous les gens qui, en France, voulaient participer et qui étaient jugés trop revendicatifs. Ça s'est passé à Lyon, ça s'est passé ailleurs. Donc dès le vendredi, il y a eu des vagues d'arrestations. Les gens, c'est pas dans les médias, ça. Les gens ne le savent pas. Le vendredi, des gens ont été arrêtés chez eux. Tout de suite. Pour les foutre en garde à vue, 24 heures, ah bah ouais, le lendemain, ils ne pouvaient pas prendre la route, c'était trop tard, la manif avait déjà commencé, bien sûr. Bon. Interpellation le lendemain, pareil, aux abords des endroits. C'est-à-dire que si vous avez passé tous les barrages, bah on pouvait quand même vous arrêter en disant, ah mais celui-là, c'est un élément louche, allez hop, on l'embarque. Au total, sur le seul samedi, 2000 interpellations. Sur le seul samedi. La veille. Encore plus. Donc, et ça, c'est juste les gens qui étaient considérés comme remuants. Mais tous les autres qui se faisaient simplement qu'arriver, on les a empêchés physiquement de venir dans la capitale ou on les a stoppés dans la capitale. Alors, je vais vous donner un témoignage d'une nana qui explique ça. Elle s'est retrouvée dans un train qui avait été réservé par des gilets jaunes, pratiquement 400 mecs, qui voulaient manifester à Paris, pas méchamment, participer. Leur train stoppé, les mecs maintenus à quai. Je vous donne le témoignage, on l'écoute et on se retrouve. Là, je suis dans mon train, je reviens de Toulouse, je suis passée par Bordeaux et faut que je vous raconte ce que j'ai vu. En fait, il y avait tous les flics à l'accueil embarquement du train de Bordeaux. Il y avait là la masse de flics et en fait, on devait avoir 380 montées à Bordeaux pour Paris. Les flics fouillaient tous les gens et tous ceux qui avaient un gilet jaune n'ont pas eu le droit de monter. Ils sont restés bloqués à Bordeaux. Du coup, moi, mon train, il est vide. Il n'y a personne. Voilà. Personne n'a le droit de monter. Alors qu'ils avaient des billets, les gens. Le pire, c'est qu'ils avaient des billets, les gens. Et les flics les ont empêchés de monter. Premier témoignage. Perso, j'étais sur les Champs-Élysées hier toute la journée. Comme prévu avant d'arriver sur les lieux, je suis passé au niveau des quais de Seine. Vous deviez franchir plusieurs barrages de contrôle. Si je voulais franchir ces points de contrôle, je n'ai pas eu le choix que de mettre à la poubelle mon casque et mon masque à gaz. Seule ma paire de lunettes de natation bien cachées a pu passer les contrôles. Des flics partout, on était fait comme des rats sur les lieux, car sans masque à gaz et sans lunettes de protection, pour la plupart, tu ne peux pas lutter sans respirer et sans voir. Un foulard en tissu improvisé au niveau du nez a peu d'effet. J'ai croisé des gilets jaunes qui ont été contrôlés de suite à la descente du train. Les gens arrivaient par petites grappes au fur et à mesure de la journée. Et oui, certains n'ont même pas pu rejoindre les champs étant donné que toutes les rues côté droit des champs étaient fermées. Si vous n'arrivez en force sur les lieux de la manif, vous ne pouvez pas passer outre les barrages. À mon avis, il faudrait faire des points de ralliement aux abords de Paris, ou je ne sais où, pour former de grands groupes compacts pour pouvoir ensuite défoncer les barrages de flics. Les Belges ont raison, l'union fait la force. Les méthodes de petits groupes mobiles n'est bonne que pour piller et non renverser la table. Voilà un premier témoignage d'un démocrate participatif qui était présent lors de la manifestation. Alors en fait, ce qu'il explique, hein, c'est que finalement, les gens viennent un petit peu comme à un concert, on arrive en petits groupes, c'est tranquille, la route est ouverte, Paris ville ouverte, hein, voilà, on arrive, tranquille, etc. Là, la donne a complètement changé, tout est bouclé. Il y a des barrages de flics absolument partout, les Champs-Élysées sont interdits. Voilà. Et ouais. Il dit, bah, finalement, on arrive comme des cons. Ouais, c'était voilà. Pas interdit, c'est-à-dire qu'en fait, les Champs-Élysées, ce qu'ils ont fait, ils ont fait rentrer 1000-2000 personnes. Après ils ont fermé. Et vous rentrez plus, vous sortez plus, vous êtes là. C'était comme des moineaux. Voilà. En fait, il fallait que les chaînes d'info fassent leurs images pour passer les Champs-Élysées vides. Oui. Ben, sauf que bon, c'est bien joli tout ça, mais tous les gens étaient dans les rues adjacentes, quoi. Voilà. Alors ça, il faut que là il faut, enfin là, les gilets jaunes, enfin le mouvement doit absolument intégrer cette nouvelle donne, quoi. Il y a un nouveau plan dispositif dont on va parler parce qu'il y a d'autres témoignages. Mais clairement, le côté on arrive parce que le point de rendez-vous est dans les Champs-Élysées, les mains dans les poches, ça va pas se passer comme ça. Ça c'est fini. Ils ont complètement changé de stratégie. On parle de l'union fait la force, peut-être Fulbert. Dans ton pays, ça remue un petit peu aussi les gilets jaunes. On a vu que tes compatriotes ont chargé le Parlement européen. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça particulièrement piquant. Mais je n'ai que peu de nouvelles à vous apprendre parce que je n'en sais pas vraiment plus que vous. Hein. La presse belge, elle n'est pas très disserte. Peu d'informations. Non, il y a un certain blackout dans la presse, ça c'est clair, quoi. Donc, vous avez eu quand même 400 ou 500 arrestations, c'est énorme pour un pays comme la Belgique. Oui, j'ai lu 450, c'est pas mal, ouais. Bon, ce sont sûrement des arrestations administratives, mais bon, quand même, quoi. Je n'ai pas vraiment d'infos originales à vous fournir, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Qui d'autre sur le... Une petite chose quand même, c'est que samedi, il y a 8 jours, la presse belge avait fait état de manifestations réparties à peu près dans tout le pays, surtout du côté wallon. Or, ce samedi-ci, j'ai regardé, je n'ai rien vu de tout cela. Il y avait eu un gros incident à Feluy, qui est c'est plutôt un nœud routier qu'autre chose. Mais cette fois-ci, rien. Ça s'est passé à Bruxelles. Mais pas un mot sur le restant du pays, alors que je suis convaincu que ça s'est passé ailleurs aussi. Donc il y a des troubles qui ont débordé en Belgique. Il y a, en tout cas en Belgique francophone, il y avait des problèmes là, mais c'est par rapport au pacte de Marrakech où votre gouvernement de coalition qui intègre des francophones et des néerlandophones, dirais-je, enfin bon, ceux qui parlent flamand, précisons. La coalition a explosé. Oui. Parce que les indépendantistes flamands de la NVA ont quitté, refusant de ratifier ce traité. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a... les choses se rejoignent, ça se passe pas par hasard, surtout pas au même moment. Donc, il y a le pacte de Marrakech, où on voit que l'édifice belge, une nouvelle fois, tremble sur la question de l'identité. On voit que les flamands sont plus durs. On voit que les francophones le sont moins, c'est rien de le dire, sous l'influence française bien sûr, parce que Macron est pour aussi, mais que par ailleurs, un mouvement de contestation en France déborde dans la Belgique francophone. C'est quand même... Oui. Oui, absolument, mais en fait, quand tu parles de dureté ou quoi, ça dépend du point de vue où l'on se place. Je m'explique. Politiquement, les Flamands sont plus raides, ça c'est certain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un parti nationaliste qui est réputé aussi indépendantiste. Bon, maintenant, sur le terrain, c'est plus dur du côté wallon, parce que les Wallons ont bien mieux suivi le mouvement des Gilets jaunes que les Flamands. Bon, ce qui fait que tu vois, c'est très relatif. Maintenant, c'est vrai que le pacte de Marrakech qui... En parallèle aux actions des Gilets jaunes, met le feu à la vie politique en Belgique. Il faut savoir que la NVA nationaliste, qui vient de se retirer ce matin du gouvernement, la NVA a attendu vraiment la dernière minute pour se retirer, c'est-à-dire... finalement, pour mettre le Premier ministre libéral, Charles Michel, en difficulté. Charles Michel avait dégagé, d'une façon qui paraît-il être inconstitutionnelle, avait dégagé une majorité alternative, entre guillemets, avec des partis d'opposition, écolos, les anciens socio-chrétiens qui ne le sont plus, les socialistes flamands, les socio-chrétiens flamands, et quelques autres. Plus petit. Non, les socialistes wallons, c'est ça qui est curieux. Et aujourd'hui donc, ils viennent de se retirer. Charles Michel, le Premier ministre, se retrouve avec sa majorité alternative. J'ai vu dans la presse qu'il vient de décoller il y a peu de temps à destination de Marrakech, donc pour demain et après-demain. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que voilà que plusieurs partis de cette majorité alternative, donc il a reconstitué un gouvernement, il a juste changé les ministres NVA, et la majorité alternative commence déjà à se déballonner, il y a déjà des interventions de différents leaders politiques disant qu'ils ne suivent pas Charles Michel pour ceci, pour cela, pour... Mais ils s'en voilà, foutent, ça commence déjà à s'effondrer. Ils s'en foutent parce qu'il y a juste besoin d'un chef de gouvernement pour signer le papier, et ensuite ils diront nous on n'a rien à voir là-dedans, mais il sera signé quand même et ils seront solidaires de la décision, disant qu'ils s'en sont pas solidaires, tu comprends, c'est la démocratie dans toute sa splendeur, ça. Absolument, absolument, c'est ça, tu vois. Mais parce qu'en fait derrière il y a le gouvernement occulte transnational qui a dit voilà il faut signer, donc il y aura le con pour signer, seulement évidemment téméraire, mais courageux mais pas téméraire. C'est-à-dire que tous les autres partis de coalition avec lesquels ils sont, de son gouvernement de minorité, le soutiennent comme la corde soutient le pendu. Donc tout ce moment-là va ensuite dire on ne sait pas, on n'a rien vu, on n'est pas au courant, surtout ne demandez aucun compte, on était compte depuis l'origine, voilà, ça c'est clair, mais il sera quand même signé le papier. Voilà, voilà, bien voilà sûr. Exactement ce qui va se passer. Bien sûr, mais bon, à mon avis, hein, ils vont tous l'avoir dans le cul. Je ne suis pas spécialiste en politique, mais je pense qu'ils vont tous l'avoir dans le cul. Le Premier ministre, parce qu'il est allé contre l'avis d'une majorité de la population, que au final, il a eu une position difficile à tenir, hein, qui est contraire aux intérêts des gens, et ça, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui en sont conscients. Ceux qui l'ont soutenu vont aussi perdre des plumes. Moi, je pense que le Premier ministre actuel, quelque part, je me demande si un de ces jours, il ne va pas se retrouver député européen comme tous ceux dont on veut se débarrasser. Bien sûr. Je me pose la question. Et ah, puis, ils nous ont fait des cadeaux parce que on a fait Hofstadt à cause de vous. Hein. Ah, ne m'en parle pas. Ah oui. Oui. Mais oui. Ah ben voilà, c'est une explication un peu grossière. Je suis désolé d'être moins précis, mais non, c'est quelque chose qui va mal tourner. Ah bah de toute façon, oui, ça va mal tourner. Alors là, on parle du pacte de Marrakech. Alors évidemment, on fait une déviation, mais c'est totalement lié au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement populiste en général, à la défiance fondamentale face à cette structure globaliste juive, hein, clairement, et financière, qui pilote ou qui pilotait depuis tant d'années le système et qui tout d'un coup voit le truc s'effondrer de partout. Hein. Voilà. Alors le pacte de Marrakech est devenu un point de focal et même dans les Gilets jaunes, je veux dire, les gens se disent mais attends, c'est quoi ce truc-là? C'est décidé dans notre dos, on n'a rien à dire. Voilà. Et en France, c'est très très prégnant. Et en fait, Macron, qui a compris le coup, a délégué un obscur sous-secrétaire machin préposé au crime, qui va aller signer là-bas à Marrakech, signature agrémentée de jeunes garçons, hein, parce que on sait que la classe politique française aime beaucoup faire des petits voyages comme ça à Marrakech. Mais il n'empêche qu'elle sera signée. Et Macron pourra dire, attendez, je ne sais pas, j'ai rien vu, de quoi vous parlez-vous? Et le même jour, le 10. Le même jour, cette espèce d'enculé de Macron va prendre la parole en disant « Je vous ai compris, je vais renouer avec vous, je vais prendre des mesures sociales, etc. » Donc le type va dire « Voilà, d'accord. » S'adressant à la nation française, « Je vous ai tous compris. Voilà, je vais renouer avec vous. Il y a eu des incompréhensions, mais tout ça, c'est du passé. » Le même jour, le type va signer le pacte pour l'invasion de l'Europe. En loose day avec un sous-secrétaire, parce qu'en fait, les vrais donneurs d'ordre ont dit qu'il fallait le signer, quoi. Je veux dire, sa prise de parole, elle est condamnée à cause de la date. Voilà, à cause de la date, à cause du 10. C'est fini. C'est intéressant de noter que les médias, alors c'est comment ça s'appelle, Décodex, là, disent que c'est une fake news, hein, parce que, en fait, oui, bon, il y a ce texte, mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur de loi, hein, n'est-ce pas? Effectivement, c'est juste. Ce n'est pas contraignant, disent-ils. Ouais, ce n'est pas contraignant. Alors oui, mais les trucs pas contraignants qui le deviennent, on connaît. Hein, on parle très souvent de ce qui se dit dans les réunions de Rabin, hein, qui se traduisent quelques mois plus tard dans le droit français. C'est une question de temps, hein, de mois. Mais ça arrive. Tu peux aller plus loin aussi, la signature des accords d'Évian, ça n'a jamais été ratifié en fait. Et pourtant, les accords d'Évian, bah, ils sont appliqués, puisque finalement, la France récupère bon an, mal an depuis 62, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce nombre fixé d'Algériens par an. Quoi. Donc finalement, que ça soit signé ou non, contraignant ou non, de toute façon, vu que c'est dans l'air du temps et que c'est dans l'intérêt des gens dont il ne faut pas prononcer le nom, hein, sous peine d'être des vilains fachos, eh bien ça sera appliqué, quoi. Bah, j'ai envie de dire, moi, sur le pacte de Marrakech... C'est déjà appliqué, en fait. Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu 50 ans que la France est dans le pacte de Marrakech, en fait. Parce que je vois des Français, etc. Bon, je comprends, je veux dire, ils se disent on nous fait un gosse dans le dos, etc. Qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je comprends ça. Et surtout les gens qui sont sensibles sur la question de l'immigration, ils disent qu'est-ce que c'est que ce énième coup de poignard. Ceci étant dit, quand on s'intéresse au fond du problème, Si vous voulez, le pacte de Marrakech, en gros, c'est quoi? C'est vous allez vous prendre 1 demi-million de nègres, d'arabes, de musulmans, chaque année en plus. Bon, oui, bah, c'est ce qui se passe depuis, voilà, depuis X années en France. Je veux dire, vous aurez des médias qui seront encouragés pour faire la promotion. Voilà, oui, parce que de ça. C'est spécifié. C'est ce qui se passe déjà chez nous. Ça change rien. En fait, le pacte de Marrakech, ce traité, ne fait que transcrire au niveau international ce qui est déjà appliqué en France depuis tant ou 40 ans. Donc, ouais, y a les lois antiracistes, ça existe déjà. Pro-immigration au point d'en être, je veux dire, de s'attirer la haine de la population, c'est déjà le cas. Regardez avec les migrants, ils dispatchent les migrants partout, etc. Toute la presse régionale, la presse locale, la presse, elle est pour. Le peuple, il est massivement contre. Il continue. Bon. Les dispositions pour les dispatcher, à les faire accepter, les programmes, les trucs, tout est déjà en place en France. Ce traité ne va matériellement rien changer dans la situation française. Nous sommes en fait l'avant-garde de la merde. Non, mais je veux dire, c'est juste l'officialisation d'un état de fait qui date depuis 1970. C'est tout. À part le fait que maintenant, effectivement. Enfin, c'est juste la traduction dans le corpus légal d'un état de fait qui remonte à 40-50 ans. Ouais, mais ça va quand même plus loin. Hein. Parce que, bon, moi j'ai vu une remarque intéressante, je crois que c'était sur Twitter, d'un type qui écrivait qui dit, bon voilà, on nous dit partout que le pacte de Marrakech n'est pas un traité contraignant. Il n'est pas contraignant pour les gouvernements. Mais il permet aux gouvernants de contraindre leur population. Oui. C'est ça la grosse différence. Ça renforce le bras armé des gouvernants pour ce qui est de l'immigration. Oui, c'est ça. Oui, très juste, très juste. Mais bon, pour des nations vraiment déjà aux mains des juifs, ça va rien changer, franchement. Et même Trump résiste, ça a d'ailleurs fait la différence, parce que sinon tout le monde aurait ratifié, il faut savoir un truc. Hein. Trump aurait pas dit... Parce que c'est lui le premier qui a dit merde. Hein. Les gens le savent pas. C'est Trump qui a dit le premier, moi je ratifie pas, il y a plusieurs mois. Est-ce qu'on sait qui sont les États qui sont à l'origine de ce truc? Bon, à part les Juifs eux-mêmes, bon... À l'origine, c'est dit... Non, c'est vraiment... Je peux pas dire quelle a été le pays moteur. Est-ce que ce serait pas la France à tout hasard, non? Parce que bon, ça se passe à Marrakech, qui est quand même le bronze cul du parisien. Je sais pas. Hein. De toute façon, c'est un truc qui est juif, internationaliste, et qui permet de créer un cadre international au profit de la finance mondiale. C'est-à-dire, je vais déplacer les masses où ça m'intéresse à un moment X, et je vais appeler ça cause humanitaire numéro 1. Voilà, ils appellent ça d'aménager les migrations, etc. C'était le discours du FMI, c'est le discours du FMI, le discours de l'ONU, le discours de la Banque mondiale, c'est le discours de Davos, c'est le discours de tous les intellectuels juifs, c'est le discours de Goldman Sachs, c'est le discours du Vatican, c'est les discours de toutes les structures mondialistes occidentales qui veulent anéantir les nations, parce que c'est la finance juive qui commande, point barre. Et ils ont un problème massif en Occident, qui est celui des pensions de retraite, qui vont faire s'écrouler tout le système économique occidental. Et eux raisonnent uniquement en termes quantitatifs. Et ils se disent, il n'y a pas assez de population, pas assez de naissances, on va amener du nègre, bougnoule, du nègre, du moule. Et en plus, ça va nous permettre de diviser pour mieux régner. Pourquoi s'en priver? Voilà. Alors, pour des nations qui sont aux mains des juifs, comme la France, comme la Grande-Bretagne, etc., depuis très longtemps, ça tombe sous le sens. Si pour ces élites en juillet, ça tombe sous le sens. Pour un Français lambda complètement sémitisé mentalement, ça tombe sous le sens. Bah oui, évidemment qu'on va penser le pacte de Marrakech. Évidemment, pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? Voilà. Sauf que pour les peuples qui tiennent à leur identité ethnique et raciale, c'est complètement délirant. Enfin, pour les nations non sémitisées, c'est complètement délirant. Donc pour les Chinois, c'est délirant. Pour les Japonais, c'est délirant. Pour les Sud-Coréens, je l'ai dit, c'est délirant. Voilà, il y a toute une série de nations comme ça qui disent, bah, attendez, vous dégagez avec ça. Macron a dit, là, récemment, il y a à peu près une semaine, il a proposé de sanctionner les pays de l'Union européenne qui sont défavorables à l'accueil des migrants. Donc là, en fait, nous, évidemment, lui, au nom de la France, il se fait... un devoir de signer ce pacte, faire signer par délégation, Mais il faut en plus, effectivement, que ceux qui sont proches de nous dans le cadre de l'Union européenne et qui refusent, qu'ils soient sanctionnés. Hein. C'est pas normal d'être réfractaire à ça. Je voulais souligner un truc aussi, c'est le papier de France Info, où ils ont prétendu faire du décodex au sujet de du pacte de Marrakech. Où ils disaient, non, non, circulez, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien. Hein. Et en fait, après les types s'éteignent, tiens, c'est bizarre quand même. Ces enculés nous alpaguent au coin des rues en nous crachant dessus. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Étonnant quand même. Hein. C'est incroyable. Les types t'expliquent, non, non, mais... Non mais c'est rien ce truc, c'est vraiment pas important. Etc. Ah d'accord, donc on a le droit de pas le signer. Ah bah non, il faut le signer, c'est important. Voilà, ça c'est la presse française quoi, mais bon, tout va bien. Troisième témoignage, alors là on revient donc sur le point chaud de samedi, cette grosse confrontation qui a été présentée comme cruciale par le régime, et qui va être je crois utile pour beaucoup de nos camarades, hein, qui comme vous le savez, vous l'entendez, hein, étaient présents, et qui vont en retirer d'expérience. J'étais à Paris ce samedi, sur les Champs, et j'ai eu l'occasion d'être participatif dans les rues adjacentes où réalistes, royalistes, nationaux de tous bords, antifa, gilets jaunes apolitiques, racailles brunes entretenaient des rapports cordiaux tout en balançant du pavé aux chiens d'attaque macroniens. De bon matin, le but était déjà clair, c'était la journée punition en vengeance du 1er décembre. Il veut dire les flics, quoi. Les flics voulaient montrer qu'ils pouvaient jouer les gros bras. Ils ne gagneraient pas face à eux. Ils ont gazé, balancé les grenades et allumé à la flashball une foule de Gaulois auxquels ils avaient confisqué jusqu'aux masques et lunettes avant de les empêcher de pouvoir sortir. J'ai moi-même bouffé 9 checkpoints au total, dont un sur un péage avant même d'entrer dans Paris. Notez bien. Notez bien. Hein, vous ouvrez grand vos oreilles, vous avez de l'information là. Au début, au début de soirée, ayant laissé la place aux Bruns, donc c'est aux Basanés, quoi, hein, levés à 15h qui prennent le relais pour la nuit, nous sommes arrivés à la conclusion avec des amis que cela ne serait que le début, y compris pour nous. Toute cette tension et ces exactions policières ont profondément marqué le peuple qui commence à réclamer du sang, littéralement. J'ai eu l'occasion de discuter un long moment avec d'autres gilets jaunes en attendant mon heure de départ. Même constat, les gens sont plus que déterminés à renverser le système, plus seulement Macron. Mélenchon, Marine et compagnie, pour eux, tout doit disparaître et le peu de respect qu'inspirait encore la police s'est envolé. J'ai soulevé le fait qu'une réelle démocratie se doit être participative, histoire de tremper l'orteil dans le bain pour voir. Approbation générale, idéologie de fond très marquée à droite. Tous sont rentrés chez eux. Pas forcément avec la volonté de revenir sur Paris, mais de continuer le combat plus férocement que jamais et de manière décentralisée. L'un m'a d'ailleurs confié « Moi, je prends tout ça comme un entraînement. » La suite de cette histoire promet d'être palpitante. Alors vous voyez, c'est un autre témoignage. Là, je vous laisse réagir sur ce... ça galvanise, hein, ça fait plaisir. Qui veut en parler ? Peut-être Hopman, j'ai envie de faire parler Hopman là. Sur le. D'abord, peut-être l'aspect tactique. Voilà, il y a un problème quand même. Il y a un problème qui se pose aux Gilets jaunes là. Ils veulent aller quelque part. Le régime a changé complètement son dispositif. Et il ne va plus les laisser aborder les Champs-Élysées. Ça bloque la ville. Hein. Ça a un coût énorme, en fait, quand même en termes d'image, parce qu'elle est morte la ville. Mais il y a des échauffourées, mais il n'y a plus les grosses images spectaculaires sur l'avenue principale. Comment tu vois ça, là, uniquement sur l'aspect tactique, là, pour le coup, hein, vraiment, dans les rues, se faire bloquer, checkpoint partout, pas de masque et tout. Comment tu vois ça ? Eh bien, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il y a une grave infraction au niveau du droit des personnes. Alors c'est pas forcément une infraction légale, hein, parce que il y a pas de droit à porter des protections durant une manifestation, mais comme les images l'ont démontré, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des casseurs, qui ne sont pas forcément dans une action violente, qui peuvent être atteints par les projectiles type flashball. Donc déjà, il y a un problème. Deuxièmement, Si on est obligé de se cacher pour être protégé, et que finalement il y a 15, 20, 35 checkpoints, bon, il y a toujours un moment où on va les perdre, les matériels de protection. Qu'on soit là pour effectivement s'affronter, enfin combattre contre la police qui protège le régime, ou qu'on soit juste protégé pour éviter de perdre un œil suite à un tir malencontreux d'un abruti qui a pas su viser la bonne personne, je pense qu'il faut que les gens s'organisent. Parce que si vous êtes 400, 500 à débarquer sur un checkpoint, je vous promets que les mecs, ils vont pas fouiller tout le monde, et puis si vous enfoncez les lignes, ils vont pas avoir le temps de fouiller. Donc, au niveau de l'organisation, c'est sûr que c'est compliqué de faire en sorte que beaucoup de gens débarquent en même temps, qu'il n'y ait pas d'infiltré à l'intérieur, qu'il n'y ait pas d'indic de police. Mais si vous pouvez monter pour les prochaines manifestations, ou chez vous, en fait, avoir des noyaux bien solides et de confiance, il faut absolument faire ça. C'est-à-dire que là, vous débarquez à au minimum une centaine et vous enfoncez les lignes. Parce qu'en fait, c'est un autre point que je voulais soulever, c'est-à-dire que jouer à l'intifada, là, au Bounioul, en Palestine, qui balance des cailloux sur les soldats israéliens, ça sert à rien à un moment. Bon, ça fatigue les gars, mais après, bon. Alors que si vous enfoncez les lignes, quand vous êtes bien nombreux, là, psychologiquement, c'est autre chose. Bien sûr, vous allez prendre des coups. Bien sûr, les mecs, ils vont vous attaquer. Mais t'inquiète que les mecs derrière, ils vont aussi se poser des questions. Ouais, ça, c'est un... Bon, moi, je vais pas jouer le général en chambre, donc je ne sais pas quel dispositif il faut adopter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien l'idée d'empêcher absolument la masse d'arriver. Alors, pour faire une photographie de ce qui s'est passé samedi, l'objectif du gouvernement était de faire des images comme il y en a eu. Bon, de montrer, en substance, de mettre en scène le contrôle de la situation. Premier point. Deuxièmement, de dire, vous avez vu, il n'y a pas tellement de mobilisation, ça se dégonfle, la bulle se dégonfle. Bref, une opération de guerre psychologique, démoralisation. Donc on met en scène son contrôle, et par cette mise en scène, on essaye de démotiver les gens. Sauf que dans les faits, il y a autant de gilets jaunes qui arrivent sur Paris. Le dispositif est plus efficace, c'est un fait. Par contre, la ville de Paris est toujours une ville économiquement morte. Ce jour-là, à quelques semaines des fêtes, ça fait un peu mal. Donc déjà, économiquement, ça va être lourd. Parce qu'à la base, les taxes étaient levées pour faire plus de blé. Au final, là, ils perdent des dizaines... Enfin, je ne sais pas combien ça va coûter au final, mais ça va être énorme. Donc, tactiquement, ils ont une victoire défensive. Effectivement, l'objectif affiché, contrôler les Champs-Élysées, est maintenu. En revanche, face à la mobilisation, non. Clairement pas. Économiquement, non plus. Politiquement, maintenant, l'image renvoyée... Excusez-moi, mais quand vous regardez toutes les images qui circulent du comportement de la police, vous voyez, c'est un petit peu comme... je prends une analogie qui n'en est pas une, mais c'est un peu comme la bataille d'Alger. Les flics ont été pros. Ils ont été carrés, ils ont fait leur boulot, ils ont tenu ce qu'on leur a dit de tenir. Et tactiquement, ils sont censés avoir gagné. Sauf que quand on voit les images qui sont diffusées partout, dans le peuple, par millions et millions et millions, hein, par millions et millions et millions, vous avez ces images d'une gamine de 20 ans qui s'est fait éclater un œil, littéralement, hein, l'œil a éclaté, par un flashball d'un flic. Y a eu des scènes comme ça absolument partout, et pas que à Paris. À Tours, mais partout. Et les flics ont reçu les ordres, ils ont appliqué, les CRS ont tiré dans les visages et dans le haut du corps. Ils ont voulu faire des blessés pour intimider le peuple français. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Politiquement, là, Macron, son gouvernement, son régime et cette République juive, là, ils ont commis une grosse erreur. Tout ça pourquoi ? Pour tenir ces Champs-Élysées. Parce que je vous assure, hein, vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez la masse des vidéos qui sont partagées, les chiffres que ça fait, l'impact que ça a dans les dernières familles les plus reculées de la France profonde, l'impact est dévastateur pour le gouvernement et pour le régime. Dévastateur. Donc oui, ils ont tenu les Champs-Élysées, c'est vrai. Ils ont tenu cette avenue de 2 km. C'est un fait. Et les flics sont contents. Ils disent, ah, vous avez vu, hein, c'est nous les patrons ici, on a tenu la rue. Sauf que politiquement, c'est un désastre. Parce que c'est un prix qui symboliquement est tellement lourd que dans le peuple, ça ne peut pas rester sans conséquence. Un truc comme ça. Le niveau de haine a décuplé. Décuplé. Parce que c'est le peuple qui... On parlait de dignité. Les gens, c'est ça que tous ces trous du cul de la préfecture de police de Paris, des planificateurs, etc., ne voient pas. Ils ne voient pas que là, ils ont affaire au peuple qui est blessé dans sa dignité à la base. Oui. C'est... Et les gens qu'ils arrêtent, c'est des gens normaux, quoi. La semaine voilà. dernière, les gens qui blessent. C'était des gens, le type, c'était un boucher en faillite, quoi. C'est vrai, le type, il avait plus rien à perdre. Ouais. Il venait. Et il a plus rien. Quoi. Voilà. Et là, maintenant, ils sont en train d'éborgner leur fille. Vous avez vu ces images-là où tu as des gendarmes mobiles qui foutent par terre un handicapé en fauteuil roulant ? Oui, tout à fait. Bon, c'est. Moi, je vous dis. Excuse-moi de te couper, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a des gens qui sont vraiment très calés au niveau des opérations militaires en France. On a une histoire, en fait, au niveau de la contre-insurrection. Hein, je vous invite à lire David Galula, qui a écrit un ouvrage là-dessus vis-à-vis de son expérience en guerre d'Algérie, ce qui avait même inspiré le général Petraeus américain pour la phase de reconstruction de l'Irak. Hein. Je veux dire, on n'est pas des brêles, en fait. Hein. Et on a aussi des actions civilo-militaires les plus développées dans l'espace militaire d'OTAN. Quand on est en Afghanistan et compagnie, on va créer des puits, on va aider les gens, machin et tout, pour se faire apprécier. Et en fait, c'est incroyable de voir que quand c'est... Mais tant mieux pour nous, pour notre bord, et tant mieux pour la France, d'ailleurs. C'est incroyable de voir qu'il n'y a pas un connard du gouvernement qui est allé se poser des questions au niveau de l'image dont tu viens de parler, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu dis, tactiquement, victoire. Stratégiquement, l'image, elle est ternie. Et tous les gens qui apprécient encore la police, bah, ils commencent sérieusement à se poser des questions. Là, c'est ce qui ressort hein, dans les messages que je reçois. Et plus intéressant que les messages que je reçois, qui peuvent être politiquement orientés, c'est les réactions sur Facebook. Alors vous avez quelques gens qui disent oui mais vous n'avez pas le contexte, etc. Vous savez, quand il y a une gamine de 20 ans qui perd un œil, vous pouvez contextualiser tant que vous voulez. Parce qu'il y a des flics comme ça. Moi je suis pas anti-flic, je répète. Ici on n'est même pas anti-flic, on n'est pas dogmatiquement anti-flic, on n'est pas des anarchistes. Mais la police qui se livre aux basses œuvres, parce que c'est ça aussi, là il faut être clair, sur les CRS, la police anti-émeute, CRS, gendarmes mobiles qui défendent le régime. Alors les types individuellement diront toujours ah ouais mais bon moi j'ai un contrat, je fais mon boulot. D'accord, très bien. Mais tu fais ton boulot, tu le fais jusqu'au bout. Donc ça veut dire que s'il y a pas de CRS et pas de gendarmes mobiles dans Paris, le gouvernement juif qui importe un maximum de nègres et de musulmans en France et qui les protège, qui protège la vermine à longueur d'année, il s'effondre. Donc à un moment donné, il faut quand même choisir son camp. Les CRS, ils l'ont choisi moyennant solde, moyennant retraite, etc. Parce que c'est quand même ça la question au final. Et donc ils savent ce qu'ils font. Alors après, individuellement, ils ont des sympathies, etc. C'est pas la question. Moi, je raisonne pas en termes de personnes, d'individualité. Je raisonne en termes d'institutions, d'unités, de groupes. Bon, bah, il y a un rempart en face de nous, c'est la police anti-émeute, qui protège le régime, c'est sa fonction. Elle est payée pour ça. Elle fait son boulot professionnellement, c'est un fait. Les flics français sont pros. Mais là, le peuple ne va pas accepter de voir des gamines se faire éborgner en souriant. Ça si je sais pas, hein, si les gens de la préfecture de police de Paris se disent « Super, on a rempli le contrat, Castaner va nous dire qu'on est vraiment super, Macron va nous récompenser, on va monter en fonction... » Enfin, pour notre carrière, c'est génial. Là, vous vous trompez, parce que ceux qui vous regardent, votre vrai patron, c'est le peuple français. C'est pas juste une émeute d'ouvriers, c'est pas juste une émeute de fouteurs de merde, c'est pas juste ça qui est en train de se passer. Et j'ai l'impression qu'ils ont pas du tout pigé ça. Hein. Ils n'ont pas compris. Hein. Ouais, ils font du maintien. C'est pas faux parce que je parle avec quelques amis qui sont dans la police et il y a plusieurs types de gars, tu vois, dans la police, t'as des mecs brillants, t'as des mecs qui ont vu la lumière, qui sont rentrés, ça sentait bon à manger, tu vois. Et il y en a qui sont encore en mode oui, mais tu comprends les protections, la déclaration, il n'y a pas eu de déclaration, la manif est illégale, nani, nanana. Donc, puis t'en as qui disent écoute, ouais, on discute, il y a des choses, c'est honteux ce qui se passe. Et en fait, moi je vous invite, hein, je vous invite à travailler les gens que vous connaissez hein, dans votre entourage, si vous avez des flics, à les faire réfléchir, hein, parce que. C'est l'avenir de la nation hein, qui est en jeu, quoi. Si on arrive à faire douter les mecs, le combat est d'autant plus facile après. Bon, on a parlé du boulot des flics. 2000 arrestations quand même préventives, juste le samedi, il y en a eu avant. Ah oui, ça c'est un conseil qu'il faut donner aussi. Les types entrent en action le vendredi. Les flics rentrent en action le vendredi. Ils vous arrêtent chez vous à Lyon, Lille, Strasbourg. La veille, ils vous foutent une garde à vue abusive. Oui, il est peut-être dangereux, etc. pour vous empêcher d'y aller. Donc, si vous voulez aller à Paris, bon, je ne suis pas un général, hein, mais au moins vous êtes averti, les types rentrent en action la veille, donc dormez chez un pote. Et pas le pote qui lui-même est connu en tant que, quoi. Je veux dire, organisez-vous, quoi. Mais dès le vendredi, il y a des arrestations préventives. D'ailleurs, on m'a communiqué ça, il y a un avocat qui a dit ça. Alors, ça peut être des avocats gauchistes pour le coup. Hein. Je ne suis pas en train de faire mon droit de l'homme. On s'entend bien, on reste ici quand même des gens d'une certaine orientation politique. Mais enfin, juste pour l'argument légal, disons, il y a un avocat qui est intervenu sur France Info, je crois, c'est ce qu'on m'a rapporté, qui a dit ces arrestations préventives de masse, quoi, en elles-mêmes signifient qu'on a changé de régime. C'est ce qu'il a dit. Il a pas du tout condamné. Il a pas dit c'est scandaleux, c'est horrible, mon Dieu, parce que évidemment France Info. Enfin, en fait, les mecs étaient quand même contents qu'il y ait de la répression. Oui, c'est la gauche juive dure, quoi. Mais en même temps, il y a quand même des avocats un peu gauchistes. Vous voyez, un petit peu droit de l'homiste. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et le mec a dit bon, en substance, faut quand même savoir que bon, ça, on a changé d'époque. Voilà, maintenant, on va arrêter des gens comme ça. Voilà, le gouvernement va arrêter des gens, point barre. Et maintenant, c'est 24 heures. Peut-être que demain, ça sera 48. Puis s'il faut, on changera la loi, etc. Bon. Mais il a dit, voilà, maintenant, on arrête les gens sans délit, quoi. Même sans soupçon de délit ou quoi que ce soit. On les arrête parce que, voilà, on n'aime pas leurs idées. Ou on aime... Voilà. Et là, il va y avoir... Déjà, en soi, ça va susciter de fortes tensions à l'intérieur du truc, parce que tu auras ceux qui accepteront, ceux qui accepteront pas. Donc ça, c'est un truc important. Donc 2000 arrestations massives, qui expliquent aussi pourquoi il n'y a pas eu tout le monde qui aurait dû avoir sur la manif, quoi. Quelqu'un peut-être veut en parler de ça? Sur les mesures exceptionnelles que le régime commence à prendre contre les... En plus de foutre sur la gueule des gens, bien sûr, mais de les arrêter... J'ose pas imaginer les écoutes, hein. Oui. J'ose pas imaginer les... le renseignement a fait son travail hein, cette fois-ci. C'est-à-dire que les fois précédentes, si tu veux, bon, les gens ont laissé les fouteurs de merde venir, en l'occurrence les mecs les Black Blocs et compagnie, parce que bon, on dit bon, ça va décrédibiliser, ça va faire peur à Madame Michu, comme on a dit. Mais quand on a vu que Madame Michu, bon, bah, c'est finalement les violences, ça la gênait pas trop, ben bah, là, voilà, on a fermé le robinet. Ouais. J'ai envie quand même qu'on en parle 5 secondes. En fait, pendant très longtemps, ils ont expliqué, mais on peut pas contrôler les frontières, il n'y a pas de moyens, on ne sait pas comment juguler la violence, au secours. Et là, semaine, triplement du nombre de juges pour gérer les arrestations, etc. Un dispositif jamais vu sur Paris. Les types, pour casser un mouvement populaire, pour casser du blanc, hein, pour casser du gaulois. Alors, si les gens n'ont pas compris qu'on est dans une république juive, je sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Voilà. Les Arabes foutent le bordel. Oui, partout, les zones de non-droit, les banlieues et compagnie, oui. Les quartiers de pourris de toutes les villes de Marseille en ouais. Premier lieu. Voilà, tout ce qui, le dispositif qu'il y a eu à Paris pour emmerder des braves gens, il n'y a jamais eu ça dans les cités, jamais. Hein, ça n'existe voilà. Pas. Ces véhicules le nombre blindés. De flics qui étaient mobilisés pour avancer coûte que coûte, il n'y a jamais eu ça pour aller contre des nègres arabes. Hein. Ça n'a jamais existé. Hein. Oui, mais même dans des cités où il y a des cas avérés de salafisme et de terrorisme aggravé. Oui, on sait que c'est des kystes. Rien. Ouais, c'est un bon argument. Donc, il y a aussi le traitement médiatique. C'est-à-dire quand il y a eu l'affaire Théoulouaka, c'est les autorités, les médias ont dit oui, c'est probablement les policiers qui lui ont mis la matraque dans les fesses, etc. C'était ça qui était relayé, ce qui a créé une émeute. Donc sous-entendu, bah, les policiers, souvent, ils sont assez violents. Et parfois, ils sont un peu d'extrême droite. C'est ce qu'on entend dire aussi souvent quand il y a des manifs étudiantes, quand les CRS rentrent un peu dans le tas. Bah oui, mais quand même, les CRS, ils votent Front National à 50%. C'est quand même des gens dangereux, etc. Ah oh, ouais, quand même, bravo, les CRS. Là, vous avez fait du super taf. Franchement, nickel, quoi. Bah, c'est... Ouais. Ben, je sais pas, les flics en France, bon, c'est de la fonction publique, hein, c'est une administration, donc les types sont tous prisonniers les uns des autres. C'est ce que j'ai dit, j'ai discuté un peu de ça avec les membres de l'émission un peu avant. Faut savoir que tout le monde se tient un petit peu par la barbichette, en fait. C'est-à-dire que il y a l'avancement, il y a le dossier perso, on a envie de se tirer de la région parisienne le plus vite possible ou d'une zone où ça craint trop pour aller avec la femme et les gosses dans une zone un peu plus tranquille. C'est des trucs humains, en fait. Les flics sont des êtres humains. C'est pas des robots assoiffés de sang ou quoi que ce soit. C'est des êtres humains qui raisonnent en fonction de leur intérêt bien compris. Comme n'importe qui réfléchirait, en fait, à leur place. Ils ont rien d'exceptionnel, en fait. C'est des gens absolument normaux, en fait. Mais c'est la machine qui est horrible. Et donc, les types se disent, je peux pas avoir un accro, moi, sur ma fiche, quoi. Si jamais il y a un impair, c'est pour moi, c'est pour ma pomme. Et le mec, il voit les manifestants, il dit, ces mecs-là auront disparu, je ne sais même pas qui c'est, ils seront rentrés dans leur pays, dans leur région, etc., je sais même pas d'où ils viennent. Et s'il y a un impair, c'est pour ma pomme. Et moi, ça sera marqué noir sur blanc sur mon rapport. D'accord? Donc, il y a cet aspect psychologique aussi. Il faut le prendre en compte, il faut pas non plus diaboliser les flics à outrance en disant que c'est des salauds. En revanche, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, surtout la police territoriale, je veux dire, les gens qui sont... Les flics qui sont en contact de la population quotidiennement, quoi. En revanche, les unités d'intervention, vraiment de choc, quoi, de rue, c'est très spécial. Ça, c'est autre chose. Il y a le même phénomène, bien sûr, parce que souvent, quand ces gens rentrent dans ces unités-là, c'est pour avancer plus vite dans la carrière. Mais n'oubliez jamais, c'est la carrière. Peut-être que les policiers, enfin, les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, peut-être qu'ils devraient se rappeler que des gens qui sont des collègues à eux vont se faire assassiner chez eux, parfois par oui. couple, hein, et que, quelque part, ce ne sont pas des gilets jaunes qui sont allés les assassiner. D'autre part, si ces malheureux policiers et policières sont morts, c'est le fait objectif de la politique de l'État républicain et des gouvernements successifs qui n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit. Ça, les forces de l'ordre seraient peut-être bien de s'en souvenir. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit? On n'a pas trop parlé de ce qu'il y a eu en province, mais ça, en fait, c'était ah, pas vas-y, que oui. sur Paris. C'était pas que sur Paris. Dans de nombreuses villes plus ou moins grandes, ça a bloqué un petit peu partout. Et même donc, par chez moi, on a été gazé aussi. C'était moins violent, bien entendu, que sur Paris. Mais voilà, ça. Il y a du monde. Il y avait plus de monde que les fois précédentes. Et les flics aussi étaient un petit peu plus agressifs. Oui, plus tatillons. Oui. Bah, parce Bordeaux, gros affrontement à Bordeaux et Toulouse, ça a saigné. Hein. Oh là putain. Ouais, j'ai vu aussi à Saint-Étienne des gros trucs. Hein. Ouais, Saint-Étienne aussi. Marseille. Non, en fait, ils n'ont pas beaucoup. Marseille moins, des affrontements, mais Toulouse extrêmement, enfin quand même violent, des vraies barricades, ouais ça a été. Donc là, alors il y a un phénomène composite, c'est-à-dire que tout le monde arrive, attention, hein, des communistes, des anarchistes, des apolitiques. Oui, Toulouse c'est l'extrême gauche, c'est certain, mais bon. Oui, Toulouse c'est l'extrême gauche. Mais on voit que la température monte. Macron va nous faire son numéro. Bon, Vous avez vu, à Paris, il n'y a pas eu tellement de monde, finalement. Ouais, en sachant tout ce que vous savez, quoi. Hein, il n'y a pas eu tellement de monde sur les gens de Lille, hein, 2000 pelés, ouais, bon. Vous avez vu, hein, comme quoi c'est une bulle. La preuve, c'était sur BFM TV. Bon, mais j'ai bien compris, quand même. C'est vrai que les 80 km/h, c'est un peu raide. Allez, on vous remet les 90. Puis qu'est-ce qu'on va faire autrement? Ah oui, les appels, non, on n'augmente pas. Voilà, et puis le carburant, non plus. Voilà. Vous êtes content? Voilà. Bon, un petit merci quand même, non? Voilà, merci, voilà. Allez, barrez-vous maintenant. Voilà. Et puis il va nous faire ça avec son numéro. Il va faire un faux numéro d'humilité. Alors, j'ai jamais vu Macron faire un numéro d'humilité, ça va être assez marrant. Le mec arrogant qui joue le mec humble, je sais pas ce que ça va donner. Mais... Bon, si, il le fait souvent. Ça, hein. Mais bon, en général, ça sonne tellement faux que ça. Bon, personne n'est dupe. Le problème, c'est que t'as des gens, vraiment, t'as des gens qui crèvent. Parce que c'est ça, en fait, c'est. Tant qu'il n'y aura pas une révolution fasciste, il n'y aura pas de solution. Les gens, ils courent après des lubies, parfois gauchistes ou autres, mais c'est la vérité. Et par fasciste, les gens qui parlent de fascisme en France, ils identifient toujours ça au côté autoritaire. Bon, je les invite à méditer. Hein. Ils sont officiellement en démocratie, en république. C'est ça. S'ils identifient le fascisme à l'autoritarisme, voilà qui devrait leur donner à réfléchir. Non, ils ont un régime vraiment bourgeois pourri, dégueulasse, qui va pas hésiter à les faire crever, tous. Et voilà, qui... tiens, je sollicite tous là maintenant, freestyle. Vous dites ce que vous voulez sur toute cette situation, ou sur les futures mobilisations, ou peu importe. On est quand même à un tournant, je pense. D'abord, il y a un mois, j'aurais pas cru qu'un mouvement comme ça soit possible, en fait, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Même pour les Français, écoute. J'attends le mort aux Juifs de Derrick, mais il ne vient pas, je suis déçu. Bah nous, on souhaite la plus longue vie à Bernard-Henri Lévy. C'est dans le nom, d'ailleurs. Ouais, ouais. Bernard-Henri Longvie. Non, écoute, moi, je continue à suivre de ce qui se passe de mon côté. Allez voir un petit peu. Si les gens ne se sentent pas de monter sur Paris, qu'ils aillent voir du côté de chez eux. C'est toujours bien de faire connaissance avec des gens sympathiques qui sont dans votre proximité immédiate. Dans notre géographie politique. Oui, dans votre géographie politique. Et spatiale. Oui, spatiale et sociale. Hein. Donc, voilà, ça peut être intéressant parce que bon... tout le monde n'a pas forcément les moyens de monter sur Paris toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est pas mon cas, malheureusement. Donc, de mon côté, je resterai dans ma zone d'influence. Alexis ? Ouais, un petit jeu. Bah, j'espère que ça va continuer. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. La preuve, c'est que déjà, une première mesure, c'est bien modeste, mais la baisse des taxes sur l'essence... bon, là, en tout cas, la hausse des taxes a été annulée. Oui, voilà, c'est ça, c'est la baisse de la hausse. Oui, il ne faut pas la baisse de la hausse, mais disons l'annulation de la hausse. Oui. Bon, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Les gens ont fait tellement d'efforts désormais qu'il ne faut pas s'arrêter. Hein. Et ça va payer. Il y aura peut-être, malheureusement, des gens qui seront blessés. J'espère que ce ne sera pas grave ou qu'ils pourront s'en remettre. Il y a aussi une personne, par exemple, dont la main a été arrachée après une grenade, qu'elle a ramassée. Bon. Après, il faut voir aussi le côté européen. Là, vous avez, par exemple, au Monténégro, c'est tout petit pays, grand comme une région française. Les gens mettent des gilets jaunes, maintenant, et des fils dans la rue. Et quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, mais qui l'était auparavant, M. Danilovic, ancien ministre de l'Intérieur, a dit que les gilets jaunes sont le symbole de la pauvreté européenne. Voilà. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ouais. Non, mais ça, on peut plus mettre de chemise brune, chemise noire, etc. Mais maintenant, on peut mettre un gilet jaune. On peut lancer un grand mouvement européen. Ça peut partir de la France. Les gens doivent avoir conscience de ça. C'est-à-dire que si on fait sauter le truc en France, ça peut libérer toute l'Europe. Ouais, bah c'est déjà en partie. En tout cas, l'objectif, c'était déjà l'impulsion. Quoi. L'impulsion est là. En Bulgarie aussi, en Allemagne, quelques personnes. En Belgique, on en a parlé abondamment. La Belgique, ils ont été très très forts là, autour du Parlement de Bruxelles. Ils étaient tout proches de réussir. Donc il faut poursuivre. Et puis de toute façon, c'est la révolte des peuples européens, mais l'immense majorité de ces gens qui partent des gilets jaunes, alors parfois effectivement ils sont de cégétistes ou autres, ça peut arriver, des gens qui récupèrent, mais la plupart sont quand même des Européens ethniquement parlant. Il peut y avoir quelques exceptions, oui. mais c'est pour ça que c'est bon signe. Il faut que le mouvement reste non politique, enfin non politique au sens partisan, parti du terme, quoi. Hors syndicat, jamais de drapeau CGT de mépris. Ouais. Ça c'est à bannir. Il faut que le mouvement, parce que dès que les mecs arrivent avec des bannières, des machins, ils veulent leur boutique. C'est du clientélisme à dégager. Ils sont pas dans une logique du peuple. Ils sont pas dans une logique d'union du peuple. Ils sont dans une logique de boutique. C'est à foutre dehors, ça. Et il y a un truc, alors ça c'est rien à voir. Ramassez pas les grenades que les flics vous balancent. C'est, il y a combien de gars d'extrême gauche ou non qui ramassent ces conneries et qui perdent leurs mains. Demandez à ceux qui savent, qui ont l'habitude des manifestations, comment on fait. Faut pas faire ces conneries-là. Faut pas juste comme ça, allez, tiens, je vais ramasser une grenade. Non, faites pas ces conneries-là. Jamais. Ne touchez à rien comme ça sans que vous ayez des gens qui ont l'expérience des manifestations, qui savent de quoi il s'agit. Peut-être une aparté aussi sur la solidarité avec l'extrême gauche. Alors, Justement, j'allais en parler. Le dernier commentaire, courrier des lecteurs, j'ai trouvé ça vachement bien parce que. Il y a beaucoup de zones de convergence en fait entre extrême gauche et extrême droite. Je connais personnellement pas mal de gens qui auparavant étaient des militants d'extrême gauche et qui, in fine, ont basculé à l'extrême droite le jour où ils ont ouvert les yeux, que ce soit par eux-mêmes ou par la force des choses ou par leur contact, leur fréquentation. Donc c'est vrai que si vous êtes dans des villes où vous arrivez à sympathiser avec des gens de quelque façon que ce soit en fait, et que vous arrivez à les engrainer sur notre, les entraîner sur la voie de la vérité, quoi, hein, qui est la nôtre. Hein. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.